Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 43. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à nous soutenir, notre émission. Nous faisons des dons en crypto-monnaie. Exclusivement avec la crypto-monnaie Monero. Tout est expliqué sur le site internet democratieparticipative.tw. À droite de l'écran, il y a un guide explicatif. Je tiens à remercier nos donateurs cette semaine qui se sont manifestés par email. Tout d'abord, Jean qui nous soutient régulièrement. Bonjour à toute l'équipe, nous dit-il. Je viens de vous envoyer un petit plus de 35 euros au titre du mois de novembre. Sincère salutation, merci à toi Jean pour ton soutien. On a un deuxième don aussi. Bonjour les démocrates, je découvre à peine votre émission, merci pour votre travail et merci pour les éclats de rire. Force à vous, je viens de faire un modeste don de 1 Monero. C'est Fulgor qui nous écrit et qui nous fait ce don. Je présente nos participants de cette émission de cette semaine. Je vais commencer avec Titus qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut, salut Titus. Salut Gandalf, salut à toute l'équipe. Derek est avec nous aussi cette semaine. Salut Derek. Salut Gandalf, salut à tous. Et loué soit. Loué soit l'Éternègre, bien entendu, qui aujourd'hui encore sera à l'honneur. À l'honneur, à l'honneur. Et enfin Fulbert qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Nous avons une réaction à la dernière émission, à un des points que nous avions abordé, ça c'est Léo qui s'adressait à nous, voici ce qu'il nous dit. Bonjour, j'aurais au passage cette petite réflexion quant à la question posée par Gandalf lors de la dernière émission au sujet de l'action de Pétain et plus largement de Vichy à l'égard des Juifs, à savoir le peu de considération dont la communauté lui témoigne au regard des bienfaits de sa présence face à l'occupant et surtout de son opiniâtreté à vouloir rouler le Boche, qu'il appelait donc les Juifs, hein. Les Allemands qui l'appelaient à juste titre Das Fuchs, donc le renard, et Rebatté qui le qualifiait de brochet nageant dans de l'eau bénite. Tout simplement, et ça ne vous a pas échappé, le mythe gaulliste avait besoin d'entretenir sa légitimité en salissant la mémoire du maréchal. D'autre part, l'histoire ne peut retenir de lui qu'un traître, qu'il n'était pas, vu sa collaboration, elle, bien active avec les Alliés, puisqu'il a accepté l'armistice de 1940, ô combien favorable de la part des Allemands, et qu'une vision positive de Pétain conduirait inévitablement à relativiser le mal nazi aux yeux du peuple. Merci d'avoir daigné me lire, et donc c'était Léo qui nous faisait ses observations. Quelqu'un veut-il commenter, ajouter un petit commentaire sur ce que nous dit Léo ? Oui, juste une petite chose. Alors, Léo dit « Une vision positive de Pétain conduirait inévitablement à relativiser le mal nazi aux yeux du peuple. » J'ai quelques légers doutes, parce que le gaullisme, dès le départ, avait l'idée que le nazisme, c'est le mal. Mais pour les gens, les gens disaient à l'époque « Pétain, c'est le bouclier, et De Gaulle, c'est l'épée. » Du coup, je pense que les gens étaient à la fois gaullistes et pétainistes, tout en étant farouchement anti-Boche. Donc je pense que ça aussi, ce serait possible, mais ce serait indésirable aux yeux de nos maîtres, hein, de nos meilleurs alliés, qui tiennent beaucoup plus que ça à culpabiliser le blanc. Je sens qu'on on essaie de nous faire revenir le maréchal Pétain parce qu'il a protégé les Juifs et que c'était bien. Ça, c'est Éric Zemmour, hein, qui essaye de mettre ça sur le point. qui suscite une réaction d'hostilité de la part du CRIF, de la part de Bernard-Henri Lévy, etc. Enfin, c'est un débat, c'est essentiellement un débat intra-communautaire. Oui. Sur l'action bénéfique ou non de Maréchal Pétain en faveur de la communauté juive. Je me permets quand même de faire observer que vous noterez avec les intellectuels juifs, les juifs sont toujours le centre du débat. Hein. Ce n'est pas la France, ce n'est pas le peuple français, ce n'est pas même le conflit en lui-même, la géopolitique, pas du tout. Hein. C'est rigoureusement ethnocentré, tribalocentré et... malheureusement, comme les juifs contrôlent les médias en France, en fait, les Français sont pris à témoin dans cet énième exercice de pile-poule. Bon, je ne sais pas si on avait... Oui, je pense qu'on avait formulé une opinion ici sur l'action de Pétain, donc pas besoin d'y revenir, mais bon, voilà. Les juifs sont toujours prêts à sacrifier d'autres juifs pour satisfaire leur mythologie, hein. Il y a ça aussi. Tu as un exemple en tête, par exemple, pour... Par exemple, lorsque tu as la fameuse déclaration de guerre en mars 1933 dans je ne sais plus quel journal anglophone. Ah oui, Judea declares war on Germany, hein, c'est ça. C'est ça, exactement. Ce sont des juifs américains qui appellent aux juifs européens et allemands, c'est-à-dire a priori à leurs yeux exposés, qu'il est pris de saboter l'Allemagne, donc vous prenez des coups de pied dans le cul et dans la gueule et fermez-la. Et puis après, 12 ans plus tard ou 15 ans plus tard, on sort l'affaire de l'Holocauste, évidemment. D'accord, donc voilà pour l'observation de Léo. Vous pouvez faire des observations sur les émissions, bien sûr, par courrier. Alors, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs, premier courrier. Et c'est suite à notre sollicitation, comme vous le savez, pour une cartographie raciale de la ville de Paris. On avait plusieurs interrogations. Y a-t-il plus de nègres ou plus d'arabes à Paris? Où sont situés les juifs, etc., etc. Et on avait eu un courrier très, très détaillé sur le sujet et qui a entraîné une nouvelle réaction. Donc c'est un débat en cours, si je puis me permettre. Et c'est Cornelius qui nous écrit pour nous faire part de la chose suivante. Bonjour messieurs, il me semble que dans le cadre du projet de cartographie raciale de Paris, Gandalf se demandait dans quel coin on pouvait trouver le plus d'hébreux. Alors il nous donne un début de réponse, c'est un article de 20 minutes qui fait référence à l'inauguration du Centre pour le judaïsme européen par Emmanuel Macron et qui se déroulait en fait dans le 17e arrondissement. Alors voici ce que nous dit Cornelius, je peux compléter le sujet sur deux points. J'ai été lycéen dans cet arrondissement, je confirme la forte concentration de chalala, donc des gosses de la bourgeoisie séfarade au profil type, chemise largement déboutonnée et cheveux de jais, brillants car outrageusement plaqués au gel. Pour des raisons professionnelles, je suis familier de la ville de banlieue, collée au 17e, c'est Levallois-Perret, la ville du très héléno-chrétien couple Balkany. Je peux donc confirmer que de très nombreux Hébreux ont franchi le périphérique depuis le 17e arrondissement et s'y sont installés. Une synagogue est en cours de construction. Lors du dernier Kippour, une cérémonie religieuse était organisée dans rien moins que le gymnase Marcel Cerdan, le plus grand de la ville. Cela donne une idée de la masse de la communauté. Ce jour-là, les rues étaient d'ailleurs pleines de gens portant kippa. Salutations fascistissimes. Salut à toi, Cornelius, et merci pour cette précision. Alors, nous avons trouvé une grappe d'Hébreux dans la commune de Levallois-Perret, qui effectivement est un kibbutz, et donc qui touche donc le 17e, qui serait aussi en fait le nouveau repère de ces rats. Les rats séfarades ont débordé de Levallois-Perret. Se déverser sur le 17e arrondissement qui est, semble-t-il, collé, du coup. Hein. C'est ça. Donc, il y a un développement inquiétant. Pardonne-moi, mais on se demande pourquoi Balkany est élu avec des scores de dictateurs africains. Ah oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Et en plus, là, il vient d'être condamné. Sa femme, je pense, va se représenter pour son compte. Rassurez-vous, il va quand même gagner l'élection. Et si c'est pas lui, ça sera le fiston, qui a une tête de dégénéré. Oh là là. Ben, oui, comment dire, les descendants de ces juifs-là, ça donne le fils Klarsfeld, ça donne le fils Balkany, ça donne le petit-fils Mendès France. C'est des espèces de machins pas finis, avec des gueules, des yeux de merlan frit et des nez, bon, ces espèces de nazis là, qui te harcèlent avec leur protubérance nasale. Mais oui, ils ont vraiment. Il faut regarder leurs yeux. Ils ont un regard de truite morte. Hein. C'est Oui, assez c'est éteint, intéressant. c'est éteint. Oui. C'est éteint. C'est-à-dire qu'on sent que vous voyez, d'ici quelques générations, si ça continue malheureusement à se reproduire, espérons que des choses se passent d'ici là, une nouvelle humanité pourra naître de ce. Oula! De ce substrat racial, une nouvelle anti-humanité Je sais pas, qui sera. je sais pas ce qui en ressortirait, mais ce Ben, qui ce est sera pire sûr. que les juifs, c'est-à-dire. C'est difficile à imaginer pire que les juifs. Moi, Non mais je pense qu'il y j'ai a une du mal à involution, hein. imaginer. Il y a une très réelle involution, on le voit. Hein. On le Ah, voit. c'est clair. Quelqu'un d'autre sur ce premier courrier là, relatif à la juiverie qui se terre dans le 17e arrondissement et qui a fait de Levallois une nouvelle colonie un Kibboutz. kibboutz israélien? On voit là la force communautaire, parce qu'on voit que quand une communauté comme ça, dans son ensemble, est décidée qu'elle a de l'argent, qu'elle a peut-être quelques appuis, mais qu'ils arrivent à racheter peu à peu un quartier et puis à faire en sorte que le quartier soit à eux. C'est le plus visible à Paris, c'est qu'il y a les quartiers, voilà, il y a un quartier arabe, il y a Barbès, il y a là le 17e qui est juif, il y a le Saint-Paul qui est le quartier gay, enfin, le grand quartier gay, parce qu'il y en a d'autres aussi, mais il n'y a pas de quartier blanc en fait, c'est que là, ces communautés-là arrivent à prendre des quartiers enfin, comme des espèces d'organismes qui s'approprient Paris chacun, alors que les blancs, même en étant plus nombreux, ne forment pas un organisme collectif, chacun se débrouille un petit peu, et puis au final. Les autres ont tout pris, et puis c'est massivement les blancs qui ont été chassés de Paris. Alors, il peut y avoir peut-être des endroits où les blancs sont majoritaires. Je pense notamment au Marais, peut-être, hein, où si tu as des bonnes pratiques par rapport à ton anus, que tu penses que Il y a tu quand pourrais. même beaucoup de juifs au Marais. Hein. Oui, mais beaucoup de blancs qui. Bizarre, Bah, hein. ça s'exclut pas, je dirais même que ça s'additionne, hein. Ça s'additionne, c'est le gouvernement français, ouais. Emmanuel Macron et Ah non, monsieur c'est la Gabriel République. Attal. C'est la C'est République. la République. C'est la République. Les valeurs de la République. Les valeurs de la République. Je voulais profiter de ce premier courrier pour parler un petit peu plus largement, en fait, de la banlieue parisienne de l'Île-de-France. Donc là, j'élargis quand même considérablement la discussion. On est sur la thématique donc de la cartographie raciale de Paris, mais on peut pousser un peu plus loin et évoquer finalement la cartographie raciale de l'Île-de-France. Alors là, c'est un projet beaucoup plus ambitieux puisque il faudrait aborder les différents départements, mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention cette semaine, c'est l'annonce par le gouvernement français et plus particulièrement par le Premier ministre Édouard Philippe d'une prime de 10 000 euros sur 5 ans pour tout fonctionnaire français qui accepterait de rester en poste en Seine-Saint-Denis. N'est-ce pas? Donc dans le 93. Alors là, je ne peux m'empêcher de vous solliciter, de vous demander, alors, mais pourquoi diable accorde-t-on des primes comme on accorde des primes aux fonctionnaires qui vont en poste dans les dom-toms à ceux qui veulent aller en Seine-Saint-Denis? Qu'est-ce qu'il y a de particulier en Seine-Saint-Denis qu'il n'y a pas, je ne sais pas, dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines dans le Loir-et-Cher, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ce 93 qui justifie une prime pour les représentants de l'État qui voudraient eh bien répondre à l'appel? Qui Ah peut ben. répondre? Alors, moi, j'ai une réflexion là-dessus. Bon, enfin, j'ai du mal à comprendre. C'est que, bon, nous avons effectivement ces systèmes très louables hein, pour aider nos compatriotes français de souche, hein, rappelons-le des Guadeloupe et des Martinique, Oui. à avoir des services publics hein, dans leur, Alors, je ma précise juste foi. une chose, parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être pas saisir. quand tu dis français de souche de Martinique, alors nous, évidemment, ça nous fait rire, mais nous avons, à l'extrême droite, des gens ont tenu ce langage et ont déclaré que les Martiniquais étaient des Français de souche. Hein. Il faut rappeler que ces cailloux à nègres sont plus français que la Savoie et Nice. Hein, tout à fait. Parce qu'ils sont, ils sont français avant, donc c'est la date qui compte. C'est quand tu as ouvert la boîte. Hein, bon. Oui, l'ADN un peu moins. Alors d'accord, maintenant que j'ai clarifié ça, je te redonne la parole. Oui, donc bon, on a nos compatriotes d'outre-mer qui veulent, enfin qui méritent, qui doivent avoir ce service public, cette continuité territoriale. Donc on comprend qu'à ce niveau lointain, ils aient besoin d'aide, hein, qu'on incite les fonctionnaires à s'y rendre. Alors que bon, moi je ne comprends pas que en Seine-Saint-Denis, qui est un département rural, hein, on doive faire des incitations pour que les fonctionnaires s'y rendent. Ça m'échappe. Il y a des Français qui sont tout autant français que ceux qui sont dans les départements avoisinants. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans ce département? Je ne sais pas. Y aurait-il des conditions particulières qui feraient qu'il faille intéresser les fonctionnaires pour qu'ils y restent? Je trouve ça très sympa. En tout cas, on découvre finalement que y a une prime de déplacement. Une prime de déplacement à l'intérieur, en fait. Et voilà, à l'intérieur du territoire français. Bon, écoutez, pourquoi pas. Titus, peut-être, veut nous donner son éclairage. Oui, moi je pense que Caroline de Haas avait tort et qu'en réalité, en Seine-Saint-Denis, les trottoirs sont trop larges. Moi je pense que, pareil, les quais de RER sont trop larges et que ça, les gens se sentent perdus dessus et que c'est ça qui crée de la misère sociale et de la violence. Alors que les quartiers à bobos, souvent, comme ce sont des vieux quartiers, les trottoirs ils sont étroits et comme par hasard, les gens ils sont plus riches. Moi je vois une corrélation directe entre la taille des trottoirs et le niveau de développement, de richesse, et est-ce que les gens veulent y aller ou pas. Donc moi je pense que Caroline de Haas avait tort, et qu'en fait, il faut éviter les trottoirs trop grands. C'est ça la vérité. Mmh. Moi j'ai du mal quand même à comprendre que la République, il y a 2-3 ans, est supprimé le mot race, Charles Maurras, le mot race, en deux mots, de la Constitution, parce que ça n'existe pas. Oui. Et puis que bon, on se retrouve à faire des mesures comme du temps des colonies, hein, de l'Empire français, pour des mesures différenciées pour une réalité qui c'est censée être la même. Oui, parce qu'officiellement, les populations sont strictement identiques, on est bien d'accord, quoi. Très curieusement, il faut différencier l'approche, y compris financière, pour certains territoires peuplés de certaines populations, bien qu'elles soient rigoureusement identiques à tous les Français, c'est bien entendu. Donc c'est quand même, ces hypocrites à la con vont nous rétorquer que oui, non, mais c'est pauvre et compagnie, c'est parce que c'est pauvre. Bon, jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas vu d'incitation de ce type pour que les fonctionnaires aient installé en Corrèze. Hein. Si ce n'est un des départements peut-être le plus pauvre, il n'y a pas ce type de... Ouais, ils nous ont bien fait payer, hein, parce qu'ils nous ont deux présidents de la République, ça va. Hein, oui, c'est pas faux. Ils sont bien vengés. Hein. Non, mais ça, j'aurais pu dire la Creuse aussi. Hein. Bon, oui, la Creuse. Ouais. Oui, je comprends tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Alors, messieurs, Fulbert, oui. Je vais ajouter quelque chose, oui. Moi, j'ai un petit peu difficile à comprendre l'État français, parce que il fut un temps, il y a un siècle et un peu plus même, lorsque l'État français s'ingérait dans un territoire, il y envoyait en premier lieu des troupes, les fameuses troupes coloniales, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'envoient pas des troupes coloniales là-bas ou à cet endroit dont vous parlez. Et je me demande. Parce qu'elles y sont déjà, les troupes coloniales, Fulbert. Pardon ? Elles y sont déjà. Mais elles ne tiennent pas le terrain, alors. Ah oui, non, mais ça, c'est troupes coloniales. Si, si, si. Elle le tient très bien. Les troupes coloniales qu'on envoyait, c'était des blancs, hein, quand même. Ah oui, non, mais là, c'est plutôt l'armée de Mangin, là, oui. Qui est déjà là. D'accord, ouais, on pourrait c'est aussi la force demander noire. Au Vatican de nous prêter des missionnaires, hein, pour aller là-bas, non? Oula, ils vont y aller en courant, mais ce sera des homosexuels, par contre. Hein. Ah oui. Oui, tout ça est très, très intéressant. Alors, du coup, donc j'ai de la suite dans les idées. Donc, on est sur une logique de cartographie, on est sur une logique d'interrogation des territoires. J'aime bien, dans la presse, ils aiment bien parler des territoires. Moi, je trouve ça génial. C'est vraiment C'est les quartiers populaires que j'aime bien. Mais ça fait partie du truc. Mais tu sais, les mecs, comme, enfin, je veux dire, c'est rigolo. Le prisme géographique français, qui est vraiment absolument fâché avec les déterminismes humains. Hein. Je veux dire, ça n'existe pas. L'ethnographie, l'anthropologie, ça n'existe pas en France. Hein. Dans les sciences humaines, ça n'existe pas. Bon. Par contre, la géographie, on est très très fort. Et donc, c'est toujours des questions d'administration. Comment administre-t-on le territoire? Alors, dans la presse, je vous invite à la lire. Hein, voilà. La lire plus attentivement, vous verrez, c'est truffé de ces mots-là, les politiciens en raffolent. Les territoires. Alors, moi, je vais vous faire voyager dans ces territoires. Et puisqu'on parlait là du 93 avec des primes d'intéressement, là, je vous propose d'aller dans les Yvelines, messieurs. Et les auditeurs aussi, par la même occasion. Ça se passe, c'est le Parisien qui en parle, ça se passe à Chanteloup-les-Vignes. Ça fleure bon la campagne. Mmh. Ah bah Chanteloup-les-Vignes, il y a des vignes. Ah oui, ah bah oui, les champignons même. Ah, il y a des vignes. Les petits oiseaux. Hein, non mais probablement il y avait des vignes au Moyen-Âge, probablement. Quelque chose comme ça. Alors. Oui, ou avant. Ou avant. Mais en tout cas, le Parisien nous fait état d'un incident. Je vous le livre. La commune de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, a été le théâtre d'un important épisode de violence urbaine. Alors oui, puisqu'on parle de phraséologie, de syntaxe, de champ lexical qui est utilisé par la neuve langue pour s'exprimer, pour véhiculer ses idées, il y a cette expression de violence urbaine. C'est pas ce qui importe. C'est-à-dire qu'en vrai, regardez, on parlait de tropisme géographique dans la pensée française. Attention. Attention de ne pas faire trop d'immeubles, ça va créer des violences urbaines. Ouais, c'est ça. Regardez bien, hein, c'est le tropisme géographique ou le tropisme social. Alors là, la caractéristique de ces violences, c'est qu'elles se déroulent en ville. Ce sont des violences urbaines. C'est ça la caractéristique que retiennent les journalistes. C'est urbain. Alors, vous allez voir que c'est pas tout à fait la bonne caractéristique. Mais j'ai fait une petite digression, mais c'était nécessaire. Donc, un épisode de violence urbaine ce samedi soir. Selon différentes sources policières, les événements ont débuté à partir de 21h. Des équipes de police seraient d'abord tombées dans un guet-apens à la suite de feux de poubelle. Des attaques au mortier auraient alors eu lieu à l'encontre des forces de police. Ces mêmes forces de police font aussi état de caillassage de dépanneurs, entre autres, mais aussi de la présence de groupes de 20 à 30 individus hostiles munis de bâtons. Deux policiers ont été légèrement blessés par des jets de pierre, selon la sous-préfecture. Le chapiteau de la Compagnie des Contraires, un bâtiment tout neuf d'une association de cirque, a brûlé malgré l'intervention des pompiers. Cette troupe assure des actions de prévention. Alors, on ne sait pas prévenir quoi. Ah ouais, attention, accrochez-vous. Hein. De prévention par le biais des arts du cirque en direction des jeunes de la cité sensible de la Noé. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors, des actions de prévention, mais on ne sait pas pour prévenir quoi. Donc par les arts du... Bon, alors le cirque, je vous passe le truc. Là, des jeunes de cité, alors le mot jeune, donc là le critère qualifiant c'est leur âge. Et alors, de la cité sensible, et là c'est un bouge africain qui est rempli d'un véritable coup de gorge, rempli de dealers, de nègres, etc. Mais alors ça devient poétique sous la plume du Parisien, n'est-ce pas? Alors, bon, du site. Alors, je vais vous donner les chiffres après. Vous allez pas trop rigoler, pas trop chanter, parce que vu ce que ça coûte. Mais enfin bon, voilà. Alors ça c'est les fêtes. Est-ce que vous voulez me raconter, me donner votre première impression sur Chanteloup-les-Vignes, où je n'ai jamais foutu les pieds, et où je vous avouerai qu'après lecture de ce qui s'y passe... Oui, on n'ira pas non plus, effectivement. On n'ira pas non plus. C'est Beaumont-sur-Oise, hein, Chanteloup-les-Vignes, c'est joli nom qui fleure dans la campagne. Et qui... Gonesse, avec ses mosquées salafistes, ses martiniquais, oui, en fait, c'est français de souche de Martinique. Ce sont des trous à orques, hein, des puits à orques, hein, très précisément, où tu as ça te chie du Traoré et du Doumbala à une vitesse exceptionnelle. Hein. Donc là, alors, On sent quand même Là, on est dans les Yvelines. La compagnie des contraires. Alors là, moi, si tu veux. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Subventionné, bien évidemment. Ah, je putain, sens, mais là, tu tu vois. sens l'artiste aérien gauchiste, là. Ah oui, moi je sens que le mur de Berlin est encore bien debout, tu vois. En France, hein, on est du mauvais côté. Hein. Oh, putain. Oh la vache! La pustule communiste que voilà! Non mais c'est quand même, c'est une merveille ce truc. Tu vas nous parler de ce que ça a coûté après. Mais là, déjà, rien que le nom. Et alors, l'objet du truc, c'est-à-dire que on a des nègres qui disent du shit, qui disent Oui, qui livre la ville à l'incendie, accessoirement, oui. Voilà, qui brûle tout, qui devait être là à sauter de branche en branche. Et donc, on s'est dit, tiens, on va leur mettre des balles dans les mains pour qu'ils puissent jongler avec et éventuellement jouer du diabolo aussi, peut-être. Hein, parce que les arts du cirque, tu comprends, bah, ça va les Oui, ça calmer. tombe. Donc Non, mais c'est... ce serait assez logique comme proposition. Je veux dire, pourquoi ne pas Oui. créer un, pourquoi pas créer un cirque pour y mettre des singes? Ça me, oui. Voilà. Sauf Non, que bon, c'est c'est vrai pas. Bon, ce serait redondant quand même. Des singes plus des Mais. singes, bon, ça fait ton sur ton. Mais là, bon, quand même, alors, comment ça s'appelait ce truc là? Oui. La compagnie des contraires. Compagnie non mais l'objet du de l'objet de cette compagnie justement Alors, c'était pour aider les jeunes c'est de cité. assurer des actions de prévention par le biais des arts du cirque en direction des jeunes de la cité sensible de la Noé. Alors des jeunes, cité sensible, action de prévention. Est-ce qu'on veut prévenir les nègres d'être des nègres? Oui, Oui, mais quand c'est on est dans une approche l'objet. territoriale, tu auras bien compris, puisqu'il s'agit d'une cité sensible. Donc le quartier est sensible, on ne sait pas pourquoi, mais il est sensible. Sensible. Est sensible. Alors, Non, mais ça. j'ai les C'est-à-dire chiffres, hein, j'ai les chiffres qu'il du coup a. de l'incendie. Non, mais pardon, simplement, ça a coûté 3 millions d'euros, le feu d'artifice, là. Juste ça, Ah, hein. ben ouais, ça va, hein. Ça va. Alors, si les nègres étaient restés dans le cirque. Et moi, j'aurais préféré que les nègres restent dans leur arbre, mais bon. Non, mais dans le cirque, pendant l'incendie. Ah oui, ah oui. Là, 3 millions d'euros. Oh, oui, même 5-10. C'est. Voilà. Oui. Mais non. D'où l'expression malin comme un singe. Alors, du coup, quelqu'un d'autre sur. Parce que je vais développer sur Chanteloup, attention, accrochez-vous. Hein. Non, pas pour le moment. Alors, pas directement sur Chanteloup, enfin, c'était plus sur l'article à la phraséologie, mais Oui, vas-y, vas-y. maintenant ou après? Oui, oui moi j'aime bien les violences urbaines. Y a les violences qui se font toutes seules, hein. Personne n'a rien fait, les Oui. nègres n'ont rien fait, hein, les arabes n'ont rien fait non plus, bien sûr. D'ailleurs, ces gens ne sont que des victimes. Et il y a eu des violences. C'est voilà quoi, il y a des choses qui se passent comme ça, on C'est sait pas trop spontané. qui, quoi, mais ça se passe. C'est oui, toute la phraséologie de la géographie française est comme ça. Enfin, même depuis avant le grand remplacement, quand on regardait les manuels d'histoire géo, pour parler de la région parisienne, ça parlait du bassin parisien, de la géologie, de la sédimentation, etc. En ne parlant pas des gens, c'est comme s'il n'y avait pas de gens, et les gens arrivent après, comme des unités interchangeables. Finalement, c'est parfait l'environnementalisme. Comme ça, tu peux ignorer les gens, ignorer ce qu'ils sont, ce qu'ils font, etc. Mais oui, moi, ça me faisait penser justement à Christophe Guilly, un géographe connu pour avoir écrit Ouais. des livres qui sont bien vendus, parce que lui, j'ai lu un peu ses bouquins, et ce qu'il arrive à faire, c'est d'utiliser la phraséologie la plus orthodoxe qui soit. Enfin, il est vraiment dans la phraséologie, il a tout le champ lexical, pompeux, des géographes, des territoires, des machins, statistiques, etc., etc. Enfin, on sent le bon élève, même le très bon élève, mais il essaye de parler un peu des sujets qui fâchent, de l'argent reçu dans les régions, des En emplois fait, il parle des disponibles ou gens. pas, des votes. Oui, bah, il parle des gens. Et c'est ça qui Oui. déplaît, c'est pour ça qu'il s'est fait insulter à fond, alors même qu'au niveau de la forme, il est absolument impeccable. C'est un dissident, quoi. C'est comme en Union soviétique, c'était un dissident. Mais en fait, ça fait partie de ce que parce qu'on touche du doigt quelque chose de très important et qui révèle en fait l'idéologie profonde des élites françaises, de l'État français tel qu'il s'est constitué ces 2 derniers siècles, c'est le constructivisme social. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de déterminant naturel, organique. Les hommes ne sont pas prédéterminés. Nous, on sait que c'est faux, ne serait-ce que racialement. Mais ces gens-là pensent que, comme tu l'as très bien dit, les individus. D'abord, ils raisonnent en termes d'individus, pas du tout en termes de groupe, de race, d'ethnie, etc. Ça n'existe pas pour eux. Et du coup, les individus sont interchangeables. Donc, pour peu qu'on fasse on va dire une programmation sociale des individus adéquate, on pourra parvenir à un résultat X ou Y, enfin le résultat prédéterminé par les élites dirigeantes. Tu sais, les élites dirigeantes sont vraiment une espèce de soif de toute puissance en France, surtout les élites étatiques, qui voient l'État vraiment comme une espèce de dieu, de deus ex machina, qui peut vraiment disposer des individus à sa convenance. Or, on sait que c'est faux, et la preuve, il n'arrête pas de trébucher sur des réalités anthropologiques qu'il refuse de voir, et plus il refuse de les voir, plus il mobilise des capitaux pour essayer de combler le fossé génétique par le, comment dire, la redistribution, notamment fiscale. Ce qui est juste hallucinant, mais ce qui est très vrai, et c'est ce qu'on voit. Et pour accompagner ça, et finalement c'est ce dont on parle, hein, Titus, il faut une phraséologie qui soit conforme à cette idéologie, hein, qui soit orthodoxe. Et on voit bien que, bah, pour pas parler de violence raciale ou d'émeute raciale, ce dont il est question là, on va parler de violence urbaine. On ne parle pas des protagonistes, comme tu l'avais dit, on essaie de donner une espèce de caractère spontané, on se focalise sur l'action, c'est des violences urbaines. Mais on ne sait pas qui commet ces violences, ou on en parle un peu après. Et après on va dire c'est des jeunes, mais comment on sait des jeunes? Aucun n'a été interpellé, on ne connaît pas leur âge, on ne sait pas s'ils sont jeunes ou s'ils sont vieux. Est-ce qu'il, mais et, non, mais... Et oui. Quel est le créneau d'âge? Je veux dire, à partir de quel âge on est jeune et à quel âge on est vieux? Est-ce qu'à 35 ans on est vieux? Tu vois, c'est la bonne question qu'il faudrait poser. Alors, c'est pas ça. C'est que être jeune, c'est être un Algérien ou un nègre. En fait, hein. Oui, non, mais. Parce que tu peux avoir des jeunes de 95 ans. Un jeune de 95 ans a violé. Bon, on a eu un jeune récemment de 96 ans qui avait ouais. violé une gamine. Hein. Ah, bah, c'était, oui, c'était mais un jeune. Il y a beaucoup de centenaires algériens en France. Quand tu es jeune, c'est-à-dire que tu es un arabe ou un nègre. C'est ce qu'il faut entendre par là. Hein. Ouais. Même Jamel Debbouze, qui a 48 ans, est un jeune. Hein. Oui, voilà. Non, mais c'est ça. Non, c'est mais vrai. Voilà, comprenez bien la chose. Quand vous entendez jeune à la télé. Ça veut dire Algérien, ça, Maghreb. Hein, ça veut dire Afrique. Ouais. Alors, le mot cité sensible aussi. Alors, c'est-à-dire que le critère, c'est pas ceux qui vivent et qui seraient responsables des problèmes, c'est la cité qui en elle-même. Génère une hypersensibilité. Mais c'est pas expliqué pourquoi. Elle est sensible. Donc c'est toute une euphémisation du réel. Toute une euphémisation du réel, en permanence, par tous les médias d'État, qui fait que, bah, l'air de rien, avec un tel matraquage, le français de base, si on lui montre pas le truc sous le nez, bah, il le voit pas. Donc ça a quand même une certaine efficacité. Faut pas croire que c'est juste des journalistes de gauche qui se font plaisir de gommer toutes les aspérités, hein. Il y a aussi une vraie efficacité au plan psychologique de ce genre de caviardage, quoi. Donc c'est bien de s'y arrêter. C'est pour ça qu'il est très important de regagner la bataille lexicale, hein, de ne pas se laisser oui. dépasser par ces gens, notamment sur la question de race. Hein, ah, c'est fondamental. Ces gens-là sont tout le temps en train de tourner autour du pot de social et compagnie, pour ne pas parler de race, hein, des cités sensibles, etc., des quartiers populaires, non, des quartiers racialement différents, enfin bon, il faut de l'adjectif... l'adjectif racial partout. Moi, je te mets une enclave ethnique, enclave raciale, voilà, enclave raciale. Enclave afro-maghrébine, etc., enfin, il y a de... Voilà, donc, les gens par chez nous qui voudraient... freiner la diffusion du mot race et des adjectifs raciaux en ce qui concerne la définition des problématiques sont des bourgeois dont il faut se méfier. Hein. Oui. Voilà. Beaucoup s'en méfier. Ouais. Alors, du coup, budget de la farce. Ils sont très bruns. Oui. Budget de la farce. Chanteloup. 43 millions d'euros pour 7 ans de travaux à venir. Alors ça, c'est une tranche de financement. J'ai trouvé ça dans la Gazette des Yvelines. Au total, alors c'est juste un extrait, hein. Au total, ce deuxième PRU, donc plan de rénovation urbaine, hein, a un coût de 40,3 millions d'euros et est subventionné par le département, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, la région, la communauté urbaine, les bailleurs sociaux et la ville à hauteur de 1,3 million d'euros. Donc la ville elle-même a mis 1,3 million d'euros. Donc 43 millions, ça c'était une tranche qui a été décidée en septembre 2019 pour ces trous à rats dont on parle, et notamment ce quartier-là, ce quartier à cette enclave ethnique dite de la Noé. Mais attention, ça n'est que la pointe de l'iceberg. D'accord, c'est la tranche la plus récente d'argent des Français déversé sur ce quartier. Et j'ai trouvé un article beaucoup plus intéressant, beaucoup plus extensif sur la question. Ça, c'est dans Le Parisien. Ça parle spécifiquement de Chanteloup. Je vous le livre. Une nouvelle vague d'aménagement va être relancée dans le quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes. Le conseil départemental vient en effet de débloquer une enveloppe de 18,5 millions d'euros pour transformer la cité. Une convention a été signée dans ce sens ce mardi en présence des principaux partenaires de l'opération. Alors que la ville a déjà bénéficié d'une aide de 117 millions d'euros dans le cadre des premiers dispositifs de rénovation urbaine, la mue de la cité n'est pas achevée. Le plan banlieue du gouvernement n'est jamais sorti, déplore Catherine Arenoux. Divers droite, la maire, c'est une mairie de droite. Pas une mairie de gauche, c'est pas une mairie communiste. Même pas socialiste. Elle continue, il n'y a pas eu de travaux d'envergure à la Noé depuis 3 ans. Rendez-vous compte. Le département a donc décidé de s'engager pour les quartiers sensibles, bon, on en a parlé hein, de cette phraséologie, afin d'enclencher de nouvelles opérations. Les 18,5 millions d'euros seront utilisés pour la création d'une cité éducative au cœur de la Noé, à la suite d'un incendie criminel qui avait ravagé une maternelle. C'est récurrent l'affaire. Le futur établissement regroupera notamment le groupe scolaire Roland Dorgelès et le collège René Cassin au sein d'une même entité. Il est prévu d'implanter une maison médicale dans le but d'assurer une offre complète des services de santé. Le pôle gare et les abords de la D1 seront aménagés pour conforter l'existant et réaliser de véritables entrées de ville. Toujours dans le domaine de la voirie, l'avenue de Poissy sera reconfigurée afin de construire de nouveaux programmes de logement. Alors, pour être tout à fait complet, toujours sur le même topo, hein. Donc là j'élargis un peu, là c'est pour le département des Yvelines. Donc là, j'ai parlé uniquement de Chanteloup-les-Vignes. Hein. Ce que je viens de dire, là, au total, quand vous faites le bilan, vous approchez des 150 millions d'euros. C'est énorme. Mais le département... On peut faire une pause et ensuite j'embraye sur le département. Ouais. Non, juste si tu me permets de noter quand même j'ai l'impression que cette ville est un brasier ambulant. Quoi. C'est-à-dire que ça brûle tout le temps. Hein. Ça brûle. Il brûle carrément les écoles maternelles. Oui, puis bon, là... Mais malheureusement, encore une fois, comme le cirque, il ne les brûle pas aux bonnes heures. Oui, puis bon, quand on fait des établissements scolaires, il y a des collèges René Cassin, hein, Suivez le nez, René Cassin, juif auquel on doit la fameuse déclaration des droits de l'homme de 1948, particulièrement antiraciste. Voilà, donc remercier, chers amis, les doigts de l'homme hein, pour ce brasier ambulant qui brûle votre pognon qu'un nègre peut se reproduire. Ce qui n'est pas un mince exploit. J'ai trouvé aussi cet article d'actu.fr donc qui évoque en fait... Alors celui-là, il date... il est très récent, hein, c'est une affaire qui date de l'été 2019. Hein. Alors accrochez-vous, c'est juste pour les Yvelines. Ici, dans les Yvelines, puisqu'En Marche ne vient pas à la rénovation urbaine, nous mettons la rénovation urbaine en marche avec des méthodes qui marchent. Appréciez le style bien lourd. La formule est signée Pierre Bédier, le président Les Républicains du conseil départemental des Yvelines. Il me semble que ce Pierre Bédier avait été attrapé la main dans le pot de confiture. Oui, par la justice, effectivement, mais off. Est-ce bien grave, après tout ouais. Le 5 juillet dernier, à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, en présence de Jean-Louis Borloo, ancien ministre, notamment du logement, et récemment auteur d'un plan pour les banlieues, la première convention du plan d'amorce à la rénovation urbaine dans les Yvelines a été signée par différents acteurs. Conseil départemental, communauté urbaine, plusieurs communes de la vallée de la Seine, Mantes-la-Jolie, Poissy, Les Mureaux, Ecquevilly. Afin de poursuivre la transformation urbaine des quartiers dits prioritaires, le département investira, donc à lui seul, hein, 700 millions d'euros d'ici 2024, soit 100 millions d'euros par an. Alors finalement, mes amis, Borloo, il est resté sur le même programme. Il voulait, je crois, débourser la bagatelle de 200 milliards, je crois, pour électrifier l'Afrique. Bon, finalement, il est resté sur le même sujet, en réalité. Hein. C'est la même chose. On va plus ou moins électrifier les Champs-Loulévins, quoi. Truc comme ça. Qui veut me parler de ces... Alors là, on compte plus le pognon. On a du mal même à comptabiliser, parce que là, on est dans les milliards d'euros, pratiquement, quand tu mets tout ça bout à bout. Pour les quartiers prioritaires, comme ils disent. Hein. Donc, en fait, les nègres sont prioritaires parce qu'ils brûlent des trucs. Alors, qui a envie de m'en parler un petit peu? Oui, l'État français récompense bien ça, les nègres, d'être des nègres. Il faut dire qu'on en manque quand même. Hein. Ces nègres sont vibrants, comme on dit en anglais. Donc, ils méritent d'être récompensés, d'être prioritaires vis-à-vis des Blancs. Mais c'est là où tu vois à quel point la droite en France n'a de droite que le nom, parce que finalement, la droite, entre guillemets, fait la même chose que la gauche, arroser des nègres d'argent public et faire des effets d'annonce. Oui, alors on débloque de l'argent. Alors rien que ce mot d'ailleurs, débloque, c'est souvent utilisé. Oui, on a débloqué des crédits, comme si l'argent était à disposition, ça pousse sur les arbres, c'est juste qu'il est bloqué et qu'il faut un politicien, évidemment, pour le débloquer et le donner aux nègres. C'est là où tu vois à quel point là, la France est vraiment restée un pays technocrate et communiste. C'est où même la droite parle, oui, argent public à donner aux nègres, quoi. C'est le programme. Ce que j'aime bien dans tous ces articles de presse qui relatent tout ça très en détail, c'est en fait la description de la méritocratie française réelle. Il y a une méritocratie en France. Il y a une vraie méritocratie. Simplement, elle est inversée. Donc, plus vous êtes un parasite, plus vous détruisez l'ordre public, plus vous incendiez ce que les Blancs payent pour vous, plus il y a une prime d'intéressement en nouveaux crédits, nouveaux investissements. Alors là, ça va être, on va refaire votre avenue, on va refaire vos logements. Donc, c'est des familles du Sénégal qu'on va, ou du Mali, ou du Niger, on les loge dans des pavillons, etc. Les ouvriers français en verront jamais la couleur de la moitié d'un, hein, ça c'est... Et tout est comme ça, c'est-à-dire que plus ces gens foutent la merde, plus ils vendent de la drogue, plus ils assassinent, plus ils violent collectivement, etc., plus il y a des transferts de fonds, et en plus, transferts de fonds qui sont revendiqués glorieusement dans la presse d'État par, comme l'a très bien dit Titus, par la droite établie. Et la droite établie, pas n'importe qui, par des gens comme Bédier, qui sont des escrocs convaincus de vol d'argent public par les tribunaux français, je veux dire. Un système comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux dire, bon, c'est la droite du système soviétique, quoi. Bon, d'accord, voilà. Les républicains, moi, je veux bien, mais... Bon. Donc, en tout cas, moi, c'est le point sur lequel je veux vraiment insister. Il y a bien une méritocratie en France. Elle existe. Elle existe. On reconnaît... La République sait reconnaître ceux qui ont mérité de la patrie. Je pense que nos auditeurs ont compris qu'ils ne font pas partie du lot. Oh, enfin, moi, j'aurais dit que la République sait reconnaître son Dieu. Oui, non, il y a une cohérence. Alors, j'ai vu aussi un passage, je sais, parce que récemment, il y a quelqu'un qui est passé sur LCI qui en a parlé, et qui disait qu'au total, cette politique complètement folle de ponction de l'argent des travailleurs français de souche, donc des Français de race blanche, qui travaillent, qui payent des impôts, cette ponction pour déverser sur ces quartiers à nègres, ces quartiers à maghrébins, qui sont en état d'insurrection quasiment larvée en permanence, qui attaquent les policiers, bien sûr, qui attaquent les pompiers, qui attaquent les services d'intervention, comme le SAMU ou autres, ce sont des gens qui ont donc qui reçoivent des crédits année après année, plan après plan. Le plan de la Seine-Saint-Denis qui a démarré cette discussion et qui a été décidé par Philippe, le Premier ministre, c'est une énième rustine sur le truc. Ça a coûté un total, en 25 ans, ça a coûté 90 milliards d'euros. Ce qui est sûr, c'est qu'on a les volumes en tête. Hein. Il y a presque 90 milliards qui a été déversé par la République française dans les fameuses cités au cours de 25 dernières années. Il y a eu 10 milliards... Déversé ou investi ? Je termine. Il y a eu 10 milliards qui ont été déversés ou investis. Gaspillés. 10 milliards qui ont été... déversés ou investis dans la France périphérique. La jeunesse française, elle n'habite pas que dans les cités, elle n'habite pas que des enfants de bobos. La jeunesse française, c'est 60% des jeunes sont scolarisés dans la France périphérique. Eux, ils ont eu 10 milliards, les cités ont eu 90 milliards. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors... Il y a eu 90 milliards d'euros de redistribution dans ce qu'ils appellent les quartiers sensibles, donc dans les enclaves raciales qui sont les têtes de pont de la colonisation non blanche en France. 90 milliards. Donc il y a un boostage financier de la colonisation par ce moyen-là, et dans le même temps, 10 milliards d'euros seulement pour tous les autres Français qui sont dans les zones, ce que Guy lui appelle la France périphérique, c'est-à-dire les zones périurbaines blanches, où vivent les ouvriers, les employés, les petits salariés, ou carrément les zones rurales. Alors là, en fait, vous n'avez pratiquement pas de redistribution, c'est très simple, vous allez voir les collèges que les gens ont, etc., c'est des très vieux collèges, ils ont 50 ans, etc., il n'est pas question de rénovation. Quand on parle de rénovation dans ces zones-là, vous savez ce qui se passe. C'est on passe un coup de peinture et on change le système d'alarme incendie. C'est oui, ça, une rénovation dans ces zones-là. Tu, c'est tu pas... peux avoir des nids de poules sur les routes, alors que, imagine-toi qu'il y ait un trou de 5 cm dans une route en Seine-Saint-Denis. Bon, le truc va être rebouché en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Sait-on jamais qu'un nègre... trébuche et viennent à s'ouvrir le crâne en deux. Hein, quelle perte pour l'humanité que ce serait. Hein. Alors, moi, je veux quand même qu'on ait une petite réflexion ensemble, là, juste avant de passer aux autres sujets. Mais moi, pour moi, cette préférence budgétaire qui est décidée au plus haut niveau et dans la longue durée, on voit bien, c'est pas une majorité plus qu'une autre, c'est pas un parti au pouvoir plus qu'un autre. C'est vrai sous Macron, c'est vrai sous Hollande, c'est vrai sous Sarkozy, c'est vrai sous Chirac. Bien évidemment sous Mitterrand, donc on voit qu'il y a une continuité, une remarquable continuité dans cette politique, vis-à-vis donc de ces enclaves colonisées. Hein. Donc, j'ai parlé de la méritocratie, j'ai parlé de l'incitation à la colonisation, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est la perception qu'ont les élites de ces gens, parce que c'est vraiment un révélateur, cette préférence budgétaire. On voit très clairement, parce que c'est pas rationnel, d'accord ? Au plan strictement financier, c'est pas rationnel. Il n'y a aucune raison de se livrer à une telle débauche de redistribution d'argent dans des quartiers qui sont vraiment qui représentent un tonneau des Danaïdes au plan financier. C'est absurde, d'accord ? Financièrement, c'est absurde. Politiquement, ça l'est peut-être pas pour ceux qui votent ces crédits pour se faire réélire dans ces quartiers à la con, mais financièrement, c'est complètement absurde. Alors pourquoi ils le font ? Moi, pour moi, au-delà, si vous voulez, de l'opportunisme politique, ça traduit vraiment fondamentalement la haine de la race blanche qui est dans l'inconscient de la technocratie française. Je veux dire, même des gens qui sont des Dupont de machin, des Durand de ceci, vous voyez, même des nobles. La haine de la race blanche, la haine du français blanc, la haine du gaulois est tellement acquise au sein des élites françaises, bien sûr, il y a aussi la dimension juive, hein, je ne l'oublie pas, mais c'est tellement acquis que c'est désormais de l'ordre du réflexe, et quand on leur fait la réflexion, quand on relève ces disparités budgétaires, comme c'était le cas d'ailleurs sur LCI avec la personne que j'ai citée, les types sont étonnés qu'on s'interroge. Ils sont étonnés qu'on relève la disparité. Et pour moi, c'est ce ressenti instinctif dans les élites françaises, cette envie de couver du nègre, de couver du maghrébin, alors que ce sont des races de merde, d'accord, des races de merde qui sèment le chaos dans des villes qui autrement seraient des endroits parfaitement paisibles. Donc il y a une telle envie de couver cette merde, ben, je suis désolé, mais ces élites, c'est elles le cœur du problème. C'est elles ouais. Le cœur du problème. C'est pas les nègres et les arabes. Ils crament. Ils voient les gens arriver, on leur dérange du pognon. C'est leur nature. Voilà, ils font comme ça, ils c'est comme ça dans leur pays, ils font ça aussi, il n'y a rien d'étonnant. À la limite, il n'y a rien de surprenant. Mais c'est cette politique budgétaire qui est profondément honteuse et révoltante. Quand on me dit, pendant un quart de siècle, on a déversé 90 milliards d'euros sur des nègres puants de la gueule qui trafiquent de l'héroïne, de l'ecstasy, etc., qui tuent, qui violent. Moi, je me dis, mais qui a pu prendre cette décision? Qui a pu prendre l'argent des travailleurs, des gens qui essayent de s'en sortir? Qui a pu aller prendre l'argent des petites gens qui sont en département? Les députés, quoi. Les députés, la technocratie, les ministères, ouais, etc., ouais, qui font des très belles carrières, eux. Oui, l'État français, les fonctionnaires, etc. Ouais. C'est-à-dire que, bon... non mais enfin, tu parles de ça, de ces dépenses là qui sont, on va dire, par rapport à la construction, du fait de l'urbanisme, tu peux rajouter, je pense, trois bons quarts des dépenses qui sont en rapport avec la justice. Ah oui, parce que ce sont ces gens, hein, rends-toi compte qu'on a des avocats qui sont commis d'office, des juges, des greffiers, des traducteurs, des traducteurs. C'est délirant, quoi. C'est délirant. Oui, c'est, mais les traducteurs, c'est bien. Rappelle-toi le vieil arabe, là, de 96 ans, je sais plus, ou plus, qui allait montrer sa bite à des gamines, ouais. dans les caves. Et qui savait toujours pas parler français, bien qu'étant là en France depuis 1962, tu vois. Donc il avait besoin de traducteur pour être condamné à de la prison qu'il ne fera pas, parce que le pauvre, tu te rends compte au niveau de son état de santé, voilà, il peut pas, tu vois, c'est le pauvre. Nous sommes beaucoup trop civilisés en France. Oui. Beaucoup trop. C'est ça en fait, les Français sont trop civilisés. Non mais vraiment, hein, je dis ça, bon, je dis pas ça en rigolant, il va vraiment falloir qu'on en revienne à des principes simples et radicaux. Hein. Ça ne peut pas durer éternellement d'avoir un système de justice avec des rabbins qui parlent entre eux à coups d'arguments, de conjectures, etc. Qui coûte des milliers d'euros aux contribuables. C'est pas possible. Oui, hein. Pour deviser sur le sort d'un bougnoul qui... Oui, d'un nègre qui... est-ce qu'il a brûlé parce que la société... Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, quand un orque fait l'orque, hein, fait l'animal, tu as des gens qui te disent « Oui, non, mais... c'est pas sa faute, c'est la société. Donc on va lui mettre pas trop, et puis bon, il va ressortir, etc. » Bah, c'est comme si on était, ouais, on est sur la terre du milieu, tu vois. Il y a un orc qui s'est fait poisser en train d'incendier un village. Il est arrêté. Et là, c'est la question, est-ce que cet orc a été maltraité? Est-ce qu'il a subi le racisme systémique de la part des elfes? La question est posée. Voilà. Voilà. À un moment donné, il va falloir que ça cesse. Parce que déjà, il y a... Enfin, vous payez, ne serait-ce que le coût, payez hein, pas tous que... des impôts, mais moi, le fait de payer des impôts pour ça, ça me traumatise, ça me terrorise, pour le coup. Donc je dis halte au terrorisme judiciaire, coupons les jarrets de ces nerfs. Et puis, ma foi, ça sera... les choses, déjà, iront mieux. Hein, une fois qu'ils ramperont par terre, bon, et puis après, une fois qu'ils ramperont, on pourra encore s'amuser un petit peu plus. Mais d'abord, commençons par là. Alors moi, j'ai envie de donner un exemple un peu récent, mais là, ça, c'est parce que ça me revient en tête. C'est le tribunal de Bobigny. Me semble-t-il qu'ils sont en train d'en refaire un nouveau... Bon, j'ai plus exactement la situation en tête. Mais pourquoi je parle de ça, c'est parce que c'est un des plus grands tribunaux, c'est celui du 93, parce qu'il y a toute la crasse raciale qui transite par ce tribunal. Ce tribunal est rempli d'histoires à dormir debout. Et plus spécialement la question des traducteurs. Alors je suis certain que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas ça. C'est qu'en droit français et au terme de jurisprudence, etc., bien évidemment vous connaissez la couleur des juges, il y a eu une décision qui a été prise qui dit que pour que la justice soit rendue en France, toute personne qui passe devant un tribunal doit comprendre la langue française, sauf si il y a une raison sérieuse de croire qu'il ne peut pas la comprendre. Auquel cas, c'est à la justice française de fournir un traducteur, comment dirais-je, au judiciable en question. D'accord ? Alors, ça donne des situations absolument rocambolesques, parce que quand vous regardez l'immigration qui existe en France, il faut, tout le monde le sait, mais nous avons une immigration aujourd'hui qui est mondiale. Alors, on parle très fréquemment, évidemment, de l'immigration maghrébine ou de l'immigration d'Afrique noire, c'est la plus importante, mais dites-vous une chose, c'est que nous avons des peuplades qui arrivent de partout. Ça vient du Népal, ça vient de partout. Et quand vous avez un Népalais qui arrive dans un tribunal en France, il a le droit d'avoir un traducteur népalais. On bascule dans le droit coutumier, pour ainsi dire. Alors vous allez me dire, non, le droit rendu est le même pour tout le monde. Oui, pour le moment. Non. Mais on est déjà dans l'idée que il faut rendre le verdict en plusieurs langues, si vous voulez. On est déjà là-dedans. Enfin, le droit coutumier n'est pas en place. Excuse-moi, on a quand même eu le cas de. Je sais plus quelle race il s'agissait. Il me semble que c'était oui, un Afghan. Oui, non, ça c'est vrai. C'est vrai, c'était un Bangladais. Qui avait violé une Normande. Ouais. Et le type a été relâché parce que, bon, dans pour son lui, pays, ça va, c'est normal. Ouais, dans son pays, c'est normal. Voilà, c'est ça. Donc, ça va, quoi. Charrer, c'est permis. C'est ça. Et, oui, c'est vrai. Donc, le droit coutumier commence à faire ses entrées, ici ou là, dans certaines décisions de justice. C'est tout à fait vrai. Il commence à faire ses entrées, et non, il fait pas ses entrées. C'est-à-dire qu'il quand il s'agit d'être innocenté, il prend le pas. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un est marron et que le droit coutumier marron est moins sévère que le droit français, ben le droit coutumier marron l'emporte. C'est intéressant. Hein. C'est une. J'attends de voir ça, ce que ça va donner sur Paris dans les 10 prochaines années. Avec tous les nègres qu'il peut y avoir, oui. ça peut être marrant. Hein. Oui, je pense aussi. Titus, tu voudrais dire quelque chose, ou Fulbert ? Tout à l'heure, on parlait un peu de ce que pour les élites, les gens sont interchangeables, qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de comportement, enfin, les gens n'existent pas, il n'y a que l'environnement. Là-dessus, il y a une hypocrisie fondamentale des élites françaises, parce que pour eux, eux sont différents des autres. Il y a aussi bien les gens des grandes écoles, ENA, Polytechnique, etc., qui ensuite fournissent les rangs des technocrates ou les francs-maçons, puisque la franc-maçonnerie c'est aussi un moyen d'ascension sociale et puis d'entre-soi. Ces gens-là ne se considèrent pas du tout comme égaux aux autres. Ils passent leur temps à se coopter les uns les autres, à se retrouver dans des places les uns aux autres. Alors que là, si tu n'es pas du sérail, bah toi tu n'en es pas, et toi tu n'es qu'un sale gaulois. Donc à leurs yeux, il y a quand même bien une différence humaine et anthropologique entre eux et le gaulois de base qui se fait grand remplacer, etc. Donc il y a une bonne hypocrisie de leur part. Oui, et c'est encore plus vrai chez les juifs, qui ont très conscience d'appartenir à une communauté, à une population tout à fait originelle, avec des critères originaux. Hein. Ils ne se confondent pas avec la population générale. C'est bien entendu. C'est bien entendu. Le juif parle en termes universalistes, mais agit en nationaliste. C'est toute l'hypocrisie du juif. Alors messieurs, je vous propose de passer au deuxième courrier, et ça concerne la Guyane, et en fait ça fait suite aussi à notre émission de la semaine dernière, qui a été consacrée dans la deuxième partie au dom-tom, hein, dont nous souhaitons très clairement, en tout cas pour ma part, je souhaite l'abandon le plus rapide possible, là encore, pour des raisons raciales et fiscales, qui me semblent des raisons de bon sens. Une blague qui nous coûte à elle seule plus de 40 milliards d'euros par an. Donc tout ça, hein, tous ces gens marrons qui sont censés constituer une richesse inestimable, nous coûtent beaucoup d'argent, hein, je trouve. Alors, bonsoir Gandalf, c'est votre démocrate participatif silencieux qui vous parle, après vous avoir bien écouté comme chaque semaine avec sympathie, mais avec un esprit critique éveillé. Vous n'avez pas tout dit sur nos joyaux d'outre-mer. L'un de mes camarades d'études est venu me voir il y a 3 ans, c'est quelqu'un de bien, au sens noble de jadis, quand la France fonctionnait encore bien par rapport à aujourd'hui. Nous avons bavardé du passé avec 60 ans de recul. Il a passé de nombreuses années en Guyane. Vous serez intéressé par ce qu'il m'a raconté. Les Surinamaises, donc du Suriname qui touche la Guyane, ne rêvent, comme dans d'autres endroits de nos confettis d'empire, que d'accoucher en France, donc en l'occurrence en Guyane française, afin que leurs adorables et précieuses progénitures deviennent françaises. Bien. Donc, c'est un peu le même phénomène qu'à Mayotte, quoi, hein, avec les Comores. Les Français blancs d'ici ne se doutent pas des dépenses insensées que finance la métropole pour ses vaillantes mères. En cumulant tous les types d'aides, elles gagnent très confortablement leur vie, sans rien faire d'autre que pondre, comme les reines des termites durant toute leur vie sexuellement active et féconde. Mais en Guyane, il y a des fonctionnaires français blancs. Mon ami m'a expliqué comment ces honorables employés de l'État français le plus intelligent de la planète multiplient leur salaire par un facteur surprenant. Ils vont eux-mêmes prospecter au Suriname pour y chercher de jeunes femmes en situation intéressante quand cette situation se manifeste par des arrondis abdominaux, déjà visibles, c'est-à-dire quand elles sont visiblement enceintes, c'est ça qu'il veut dire. Et ils leur font des propositions. « Madame, si vous venez accoucher en France pour obtenir toutes les aides généreusement mises en place par la France métropolitaine, vous aurez besoin d'effectuer un tas de démarches compliquées, remplir des papiers, les envoyer aux bons endroits à Paris, vous aurez beaucoup de mal et comme beaucoup, vous n'y arriverez pas. Mais si vous me faites confiance, je m'occuperai de tout cela. » C'est mon métier. Je vous ferai percevoir tout ce à quoi vous aurez droit. En échange, je vous demande chaque mois de m'en verser le tiers, ce qui vous laissera de quoi vivre confortablement. Je vous ferai passer en Guyane française sans difficulté. J'ai tout ce qu'il faut pour cela. Il vous suffit, si ma proposition vous paraît honnête, de signer les documents que je vais vous montrer. Les prélèvements pour moi seront exécutés automatiquement. Vous n'aurez rien à faire. Tout se passera bien. Il est rarissime que les intéressés refusent. En remerciement, les fonctionnaires les naturalisent rapidement. Ils ont mis au point des raccourcis efficaces, entérinés par les fonctionnaires métropolitains sans se douter de rien. Ces fonctionnaires-là se bâtissent ainsi, en quelques années, des fortunes enviables. J'ai demandé à mon camarade s'il n'y avait pas de difficulté pour blanchir cet argent sale. Il m'a dit qu'il n'y avait aucune difficulté, car la corruption a contaminé l'ensemble des fonctionnaires de ce département français, jusqu'au sommet, si bien que tout le monde est d'accord, c'est-à-dire complice. Ainsi, rien n'est fait pour contrôler tout ce qui pourrait contrarier ces malversations. Il y a une entente tacite à tous les niveaux pour rançonner ces gens de la métropole tant qu'on peut. Donc l'argent est automatiquement blanchi pour la bonne raison qu'il n'est jamais sale depuis le début. Mon camarade de la vieille école, comme moi, est pétri d'honnêteté sincère. Il a essayé de tâter le terrain pour dénoncer tout ça, espérant qu'une réaction saine s'en suivrait pour sanctionner sévèrement tous ces escrocs pour qui l'immigration clandestine de femmes enceintes étrangères est un pactole. Eh bien, il a été considéré comme un gêneur. Il n'a rencontré qu'hostilité. On lui a fait comprendre qu'il n'était qu'un trouble-fête, un pisse-vinaigre, un naïf. Il lui a été gentiment conseillé de repartir dans l'Hexagone, sauf à se mettre personnellement en danger. C'est pourquoi il est revenu en France européenne quelques années avant sa retraite. Il est écœuré définitivement à vie. Cette belle histoire m'a passionné car elle m'a fait voir d'un autre œil l'immigration clandestine et directe en métropole, celle qui nous submerge lentement mais sûrement, atrocément, comme dans un conte extraordinaire d'Edgar Poe. Je me demande s'il n'existe pas des filières analogues en France métropolitaine et si cette corruption n'est pas, comme en Guyane, montée très haut dans les rouages de l'État français. Qui sait si derrière le rideau, obsessionnel de morale sempiternelle qui dégouline de nos médias, déversé 24 heures sur 24 par ces pro-immigration, dont la seule arme est, hélas, le compassionnel qui paralyse plus sûrement que le curare. Derrière ces dehors sentimentaux insupportables, il n'y a pas de magnifiques fortunes qui se bâtissent sur le même principe qu'en Guyane. Allez savoir si les chefs des trafics de clandestins ne sont pas des franchouillards bien de chez nous, plus pro-immigrationnistes que tumeurs. Qui prennent leur part de tout cet argent démentiel qu'on déverse pour l'asile, ou l'AME, ou la CMU, par exemple. Rappelez-vous de l'affaire du cancer il y a pas mal d'années, le grand chef Crozemari, qui était d'origine juive, je le rappelle, de la lutte médiatique contre le cancer, prenait pour lui l'essentiel des dons qui affluaient à chacun de ses passages dramatiques à la télévision. Il possédait 6 villas princières réparties dans tout l'Hexagone, avec piscine immense, plusieurs autos de grand luxe, et une maîtresse dans chaque villa. Il a fini par tomber. mais après en avoir profité pendant plus de 20 ans. Les trémolos des bonnes âmes qui nous pourrissent la télévision et les médias et nous font taire au nom de leur grand humanisme et de leur grand cœur en bandoulière, je ne sais pourquoi, me rappellent à la fois Crosemary et ce que m'a exposé mon camarade de promotion de l'établissement alors prestigieux que nous fréquentions tous les deux dans les années 50. À la prochaine, cher Gandalf, vous n'avez pas besoin de me citer si vous répercutez cette info dans vos futures émissions, etc. etc. Bon, on cite quand même parce que c'était extrêmement intéressant. Alors là, je donne la parole à tous ceux, aux participants. Ça me surprend alors pas du tout. Ça ne me surprend pas du tout. Ça me surprend pas du tout. Ça me presque ça me rassure sur la malfaisance de cet état pourri. J'aimerais quand même avoir des noms. Oui. Ah oui. Alors ça, j'en profite. Si oui. Vous connaissez des histoires de corruption avec oui. des fonctionnaires, oui. et vous avez les éléments, je veux dire, vous avez des copies, des dossiers. Envoyez-les nous, rassurez-vous, ça sera entre de bonnes mains, on saura en faire usage. C'est juste au passage. Voilà. Là, moi, si tu veux, quand j'ai entendu ce récit, j'ai pensé, j'ai eu des visions qu'on a pu voir en Syrie lors de l'établissement du califat d'Al-Baghdadi, avec des pick-up, des colonnes de pick-up avec des mitrailleuses dessus. Tu vois. Ah, c'était. Oui, et des tribunaux volants. Ah, j'ai voyagé, des tribunaux volants. Des tribunaux volants. Ah, oui, non, mais... Bon, en Guyane, je pense qu'il y a des pick-up. Peut-être pouvons-nous trouver des... Pouvons-nous trouver je veux le dire. Sachez que quand Cédric Héroux, le passeur de nègres à la frontière franco-italienne, oui. depuis la vallée de la Roya... Avec les yeux très rapprochés, l'espèce les de... Yeux très... Oui, l'espèce de... Hein, oui. Comprenez bien que cet homme-là... Écoutez, comprenez bien que... Comparez simplement avec l'activisme des identitaires qui se sont contentés de déployer une espèce de petit cordeau symbolique en haut d'une montagne. Les types ont été condamnés à des années de prison. D'après vous, ce Cédric Héroux... Cédric a été condamné et Héroux est protégé par la police. Voilà. Hein bon, on lui fait faire des contrôles et tout, mais c'est pour amuser le public. Donc, ce type-là passe au vu et au su de tout le monde. En se filmant, en se refilmant, des quantités astronomiques de dingue, lui parmi d'autres. Et ce type-là ne bénéficierait pas de protection au plus haut niveau de l'État, à la fois, comment dirais-je, dans la magistrature, au sein des ministères, etc. Allons, pas de blague, ces gens couvrent les filières et touchent des volumes de pognon en passage, dont on n'a même pas connaissance d'ailleurs, on ne sait pas ce qui est touché, ce qui est perçu, mais c'est tout à fait évident, et c'est encore plus évident dans tous les services de l'État. Il y a une mafia généralisée qui s'est installée au cœur de l'État sur cette question spécifique de l'immigration et sur d'autres, et le pognon, il disparaît. Et à Mayotte, c'est la même chose. Et c'est pareil dans tous ces confettis d'empire effectivement qu'on a aux quatre coins du globe, qui sont des véritables sas à immigration. Je lisais récemment sur la question de Mayotte une anecdote, c'était dans la presse, sur un lot d'immigrés clandestins qui venaient d'interpeller à Mayotte. Hein. Alors traditionnellement, ils venaient des Comores en premier lieu. Donc ils venaient des Comores et ils essayaient de rejoindre le territoire français, notamment les femmes, pour accoucher et pouvoir ensuite réclamer pour leurs enfants la nationalité française. Vous connaissez le principe, quoi. C'est le même principe aux États-Unis, d'ailleurs. En anglais, on appelle ça les anchor babies, c'est-à-dire les bébés ancre. C'est-à-dire vous jetez l'ancre dans le pays en question par la naissance de votre gamin pour éviter l'expulsion. Bon, vous avez compris. Jusqu'alors, c'était les Comoriennes qui venaient faire ça, en raison de la proximité géographique. Plus récemment, on a vu des bateaux venir depuis le sous-continent indien. C'est carrément même toute la zone de l'océan Indien qui commence à s'intéresser. Mais plus révélateur encore, des Marocains qui n'arrivaient pas à passer en Espagne allaient à Mayotte en transitant par la Turquie, par Istanbul, parce que les Marocains ont des facilités de visa avec la Turquie, et ils partaient donc du Maroc par la Turquie jusqu'aux Comores, et de là, il rejoignait Mayotte. Vous voyez la distance, hein ? Parce qu'il n'arrivait pas au niveau de l'Espagne, c'était trop difficile, il y avait la frontière physique était trop difficile à franchir. Donc c'est pour vous expliquer que la question de Mayotte, ou la question de la Guyane, Non seulement il y a tous les troupeaux de nègres sur place qui se reproduisent comme des rats, aux frais des Français de métropole, mais en plus, maintenant, en raison de l'explosion démographique de tous ces territoires, ou de toutes ces régions, ce sont des sas. Ce sont des sas béants. Et avec le système social français qui est tenu par cette administration corrompue, qui se sert au passage, notamment par les méthodes qui nous ont été expliquées par notre auditeur, c'est le pillage généralisé. Et personne n'en parle. Et les gens, ensuite, qui s'interrogent, les Français qui s'interrogent, qui regardent quand même un petit peu la dette publique, ils disent « mais c'est étonnant, c'est quand même surprenant. Plus on donne d'impôts, plus on paie de taxes, plus l'État est déficitaire. » Plus c'est la merde. Ouais, oui, plus la qualité de vie s'effondre, etc. Mais et les gens, ils se posent légitimement des questions. Ils disent « mais c'est étonnant, je veux dire, jusqu'à quand? Quel volume d'impôts ?» Bon, regardez encore récemment, là je fais, et je vous donne la parole, hein. Mais encore récemment cette semaine, une annonce tonitruante de l'installation de 1200 radars montés sur tourelles. Pourquoi sur tourelles? Parce qu'ils sont censément plus difficiles à détruire par la population qui en a marre justement d'être saignée fiscalement. Alors il y avait un regret dans la voix des officiels qui ont annoncé ça, du ministère de l'Intérieur, puisqu'ils comptaient percevoir en 2019... sur la période 2018-2019, comptait percevoir 1 milliard d'euros. Et ils sont à moins de 700 milliards, mais ils pensent qu'en 2019-2020... C'est 100 millions. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ils modifient les radars pour continuer à pigeonner les gens. Et en plus, les radars, ils sont multifonctions. Alors maintenant, ils peuvent vous viser parce que vous avez un téléphone à la main. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est dangereux de le faire, mais le but, bien compris, c'est de prélever de l'argent. C'est une excuse pour prélever de l'argent. Mais ils les montent maintenant sur pylône. 1200... dispatché dans toute la France. Le but, en 2020-21, c'est de toucher 1 milliard d'euros de recettes. Enfin, vous dites, mais avec tout ce pognon qu'ils perçoivent par tous les moyens, on devrait avoir des services publics d'une qualité mondiale incontestable. Ça devrait être l'ordre et la discipline absolument partout. Non. Non. Eh bien, vous avez un élément de réponse dans ce que vient de nous dire sur un registre différent, qui est le registre de l'immigration en Guyane, en Amérique du Sud, et vous avez une explication, c'est-à-dire que cette fonction publique sur-cégétisée, sur-syndicalisée, qui se protège, je ne parle même pas des réseaux maçonniques et du reste, est totalement pourrie et pille les caisses de la population française. Oui, non, mais ça, c'est pas étonnant. C'est-à-dire que nous avons des voitures qui vont de plus en plus vite et qui sont de plus en plus sécurisées parce que tu as des normes. Hein, tu as les normes anti-pollution. Je sais que pour les motos, tu as Euro 4, Euro 5, etc. Je pense que c'est pareil pour les bagnoles. Ces machins-là sont de plus en plus à rien consommer et puis à être sécurisées. Mais parallèlement, les vitesses baissent. Hein. C'est bizarre. Hein. On se demande pourquoi. Édouard Philippe, 80 km/h. Ouais, non, mais, ouais non, mais c'est ça. C'est délirant. Non, mais je cite son nom parce que c'est à lui qu'on doit ensuite les primes d'intéressement pour aller mettre des fonctionnaires chez les nègres en Seine-Saint-Denis. Bon, donc, Oui, non, mais c'est ça. Même au niveau. Comment dire, ça s'attaque presque à l'anthropologie, cette chose-là. C'est-à-dire que j'ai souvenir de mon vieux qui me raconte que quand il était jeune, il se faisait des Paris-Nice, des Marseille-Nice, pardon, en trois quarts d'heure, hein, avec des bagnoles qui allaient à plus de 220 km/h sur l'autoroute. C'était pas forcément plus dangereux que ça. Hein, les gens roulaient, etc. Bon, maintenant, on a des voitures qui sont plus sécurisées et on nous fait plus chier par rapport à la vitesse. Le progrès s'accélère et nous ralentissons. Il y a quand même quelque chose à voir au niveau symbolique de ce côté-là. J'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal. Hein. Les radars, les flics qui t'arrêtent. Bon, moi j'ai des flics qui une fois les flics m'ont arrêté pour une connerie, hein. Bon, je vais pas dire pourquoi. ils te font la morale par rapport à la sécurité routière. Et c'est-à-dire que ces espèces de cafards là qui sont là en train d'essayer de justifier leur métier. Bah, en fait, ils essaient de te culpabiliser pour inverser le truc, alors que ces mecs-là ne cherchent plus de pognon. Ils essaient de te culpabiliser pour ne pas se sentir inutile. C'est-à-dire que les types, tu vois dans leur tête qu'ils sont à moitié dépressifs. Quand tu leur fais comprendre que tu n'en as absolument rien à foutre et que bon, mais vas-y, fais-moi payer que je me casse, les types sont décomposés, quoi. Ils sont limite à vouloir aller se flinguer, peut-être le font-ils. Là, je voulais parler de la Guyane, puisque notre auditeur en parlait. Et je peux parler un peu de la Guyane aussi. C'est vraiment un dom-tom du même type que Mayotte, en fait. Bah déjà, à côté de la Guyane, il y a le Suriname. Il faut savoir que le Suriname est une plaque tournante du trafic de drogue. Les Surinamais sont considérés comme des margoulins en toute l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un passeport du Suriname et qui va n'importe où, en Argentine, ou au Chili ou au Brésil, le type se fait cuisiner à la douane, parce que les gens de ces pays considèrent que Suriname égale pays de trafic de drogue. Et d'ailleurs, au Suriname, on construit beaucoup de maisons, comme au Maghreb, c'est-à-dire qu'il y a des Surinamaises qui viennent accoucher en France pour toucher les allocations et tout ce à quoi elles ont droit, et c'est la famille surinamaise qui récupère l'argent. Enfin, qui récupère l'argent que le fonctionnaire public français leur laisse, hein, bien entendu. Mais avec cet argent, ils se construisent des maisons, comme au Bled, en Algérie ou au Maroc. Il y a des maisons qui se construisent au Suriname pour les familles surinamaises, avec l'argent des Français qui est pompé grâce à ces Ensure Babies. Et pour le coup, les Blancs en Guyane, c'est pas mieux, parce que les Blancs là-bas sont à peu près tous fonctionnaires, et ils y vont tous pour des raisons de points, à savoir qu'on a des primes, on a plus de points pour ensuite avoir la mutation qu'on veut en tant que fonctionnaire en Guyane. Et il n'y a pas vraiment de solidarité entre ces Blancs, alors, à part peut-être ceux des réseaux maçonniques ou autres, mais à part ça, il n'y a pas de solidarité. Alors, d'ailleurs, il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est que la Guyane, c'est sous-peuplée, c'est grand, mais il doit y avoir 750 000 habitants environ. Et on ne construit pas en Guyane. Enfin bon, en même temps, pourquoi construirait-on là-bas? Mais le résultat, c'est que ça manque en fait de construction. Et si vous allez en Guyane, en général, il n'y a pas de place dans les hôtels. Et si vous vous tournez vers Airbnb, c'est cher. Vous payez des prix parisiens sur Airbnb ou pour être en colocation ou autre, parce que les Blancs de là-bas profitent de la rareté et de la cherté de l'immobilier pour exploiter le moindre métro qui vient d'arriver, nouveau fonctionnaire ou quoi. Enfin, c'est une espèce de rite de passage, quoi. C'est s'exploiter entre Blancs, aucune solidarité. En fait, quasiment les seuls qui bossent en Guyane, vraiment, c'est les Chinois. Tous les commerces là-bas sont tenus par des Chinois. C'est quasiment les seuls qui font un vrai travail. Les Blancs sont fonctionnaires, et puis les Créoles, les Créoles et toutes les variantes qu'il y a, c'est comme ailleurs au Dom-Tom. D'ailleurs, en Guyane, il y a une espèce de haine sourde entre les Créoles guyanais et les Guadeloupéens, parce qu'en général, les Créoles fonctionnaires, ceux du bas de l'échelle sont du cru, enfin guyanais, ceux du haut de l'échelle sont guadeloupéens, mais il y a des créoles guadeloupéens ont des meilleurs postes en Guyane que les guyanais, donc apparemment il y a une espèce de haine entre les créoles là-bas, mais vu qu'ils sont tous biberonnés aux allocs, c'est comme le cannabis, ça les anesthésie, quoi. Mais pour les Blancs qui sont en Guyane, ça leur soit forcément bénéfique à long terme, même ceux qui se font des fortunes, parce que là-bas, enfin, en fait, les seuls qui restent en forme en Guyane, c'est ceux qui n'y vivent pas longtemps. Ceux qui y restent longtemps finissent par être complètement affectés et par le climat et par l'espèce de mœurs de corrompus. Enfin, ils deviennent tous gros. Tous les Blancs qui vivent depuis longtemps en Guyane deviennent gros. Ils ont la jaunisse, ils ont des espèces de teint cireux. Enfin, ils ont une gueule pas possible qui reflète à quel point la corruption s'est emparée d'eux. Et oui, juste une chose, là, après j'ai fini. J'avais vu un reportage il y a quelques mois, je crois. C'était sur les clandestins brésiliens. Oui, parce qu'il y a quelques Brésiliens du nord du Brésil qui viennent clandestinement en Guyane. Ouais. Sauf que eux ne sont pas protégés. Beaucoup, hein. Ah oui, mais eux ne sont pas protégés. Hein. Eux sont des vrais clandestins qu'on a le droit d'expulser. Notamment des orpailleurs. Oui, des orpailleurs. Et dans le reportage, on voyait des flics qui trouvaient une cabane d'orpailleurs et qui la brûlaient, qui la démantelaient. Et il y avait le commandant de police qui était fier comme un coq devant la caméra et qui était là. Oui, nous, on fait régner l'ordre. Et même si la Guyane s'égringue, on s'assure que la loi est bien respectée, on fait respecter la loi, c'est important pour les jeunes de savoir qu'ici c'est pas la loi de la jungle. Et j'étais halluciné par l'hypocrisie du type qui faisait le fier comme un coq, commandant de police comme ça devant la caméra, avec à côté deux pauvres Brésiliens avec leur cabane qui crame, alors que un peu plus au nord, les Surinamais sont un peu mieux traités, quoi, pour ne pas parler des créoles. Donc voilà, ouais, c'est un beau dom-tom français. Après, les nègres de. Enfin, les nègres. Les Brésiliens, pardon, du coup, excusez-moi, lapsus révélateur. Les Brésiliens du nord du Brésil, du coup, sont quand même passablement nègres. Hein, donc, Oui, mais c'est pas la question. Des nègres, mais ils sont pas protégés par les réseaux. Ouais, non, mais en fait, c'est toute la différence. Ce qui motive le truc, c'est que c'est parce qu'ils cherchent de l'or et l'État français, il veut sa part, à mon avis. Oui, si part, tu veux, si tu payes. Mais d'ailleurs, ta part, t'es pas emmerdé, hein, à mon avis. Alors, hein. ça me fait rappeler, bon, je crois que c'est il y a quelques jours, j'ai vu un reportage sur. C'est RMC, je sais plus quoi, RMC Découverte, du coup, avec notre ami Thomas Misraki, qui est un juif. Ah. Hein, Ah, FMTV. Ah oui. Ouais, j'ai regardé ça dans la nuit, je sais plus, c'était hier ou avant-hier, sur RMC Découverte. Mm-hmm. Donc, Thomas Misraki, qui est un Misraïm, c'est-à-dire un juif d'Orient. Du cru. Hein, c'est, de, vraiment, non, d'Algérie. Hein, vraiment, c'est un Misraïm. Hein, et qui fait des reportages avec les différentes forces spéciales, Djibouti et autres. Et donc, en l'occurrence, c'était en Guyane. Et tu avais Thomas Misraki qui était qui allait en Guyane avec les troupes qui étaient en place démanteler des campements d'orpailleurs hein, des types qui avaient des radios etc. Donc c'est assez marrant quoi, c'est assez marrant, mais ouais, les types sont quand même bien organisés pour le coup, il y avait quand même du matos. Les types font des campements avec des putes, t'as des préservatifs dedans, oui, bah oui. C'est quand même assez élaboré quoi, hein. Il y a quand même une organisation quoi. Fulbert, j'ai quand même envie de te demander d'avoir ton avis sur tout ça. Ouais, bon, moi je n'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que bon, je ne connais pas le cas en particulier hein, des dom-toms, la Guyane et compagnie. Mais il y a une petite chose quand même, parce que là j'ai connu quelqu'un, c'est un petit détail, mais pour tous les fonctionnaires, enfin beaucoup de fonctionnaires qui ont, comme ça a été dit plus tôt, qui sont corrompus, il faut savoir que quand on est fonctionnaire dans les dom-toms, eh bien les années comptent double pour la retraite, c'est une petite satisfaction supplémentaire. Ouais, idem pour les déplacements, parce qu'on parlait des flics, les CRS et les gendarmes mobiles ont un intéressement à leurs déplacements dans ces territoires, et c'est vraiment considéré comme des territoires étrangers. Et oui. Je me rappelle plus exactement... L'intéressement à ne pas te peler le cul, quoi. C'est le type, il sera en Lorraine, quoi. Putain, le type, il se pèlerait le cul, il n'y aurait même pas de montagne. Et non, et voilà, là, il va... Il va être tranquille. Bon, en même il va temps, avoir chaud, en même temps, en fait, les CRS, les gendarmes mobiles qui sont envoyés dans. Enfin, normalement, c'est les gendarmes mobiles. Hein. Les gendarmes mobiles qui sont envoyés dans ce territoire-là, c'est pour souquer du nègre. Hein. C'est vraiment exclusivement pour souquer du nègre. Et comme. Non, mais c'est pour tenir les colonies. Enfin, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est le job, quoi. Ils sont payés double, normalement. Et c'est pour ça qu'en général, les gendarmes mobiles aiment assez bien de faire. Surtout quand ils sont jeunes. Parce que quand il y a des familles, etc., c'est plus compliqué, mais quand ils sont jeunes, ils aiment bien faire ce type de déplacement pour faire de l'argent, quoi. Par contre, en phase 2, ils ont des types qui sont totalement déglingués. Hein. Ils ont des types qui sont totalement déglingués. Les nègres guyanais sont totalement frappés. Hein. Ils sont, ah ouais, ouais, ils sont camés, ils sont fous, quoi. Et les Polynésiens, sont doux, vous voyez, par exemple, les Polynésiens sont doux, mais les types, quand ils deviennent violents, il n'y a pas trop d'histoire de violence en Polynésie, mais quand eux deviennent violents, par exemple, ça fait de la casse, parce que les types sont très très très méchants et très costauds. Donc vous avez des spécificités comme ça. Oui. Donc vous avez des spécificités comme ça. Voilà, donc c'est un... Alors, le polynésien ou même le kanak aussi, ça oui. Supporte très mal l'alcool, ou, enfin en tout cas, peut-être ça le supporte trop bien, peut-être. c'est vrai que ce sont des gens qui ont tendance à devenir fous, hein, très rapidement. Après oui le nègre et compagnie, je sais que moi enfin j'ai de retour de Guyane où tu as pas mal d'infiltrations d'armes depuis le Brésil, ouais. Parce que le Brésil tu as quand même tu as bon les types ont une marque d'armes les Taurus hein, que ce soit un fusil à pompe ou un arme de poing, tu retrouves pas mal de crimes en Guyane avec des armes venues du Brésil, des Taurus, hein, du coup. Ça se développe de plus en plus. Hein. J'ai cette écho-là par des sources assez personnelles. Donc, bon, les nègres d'un côté, effectivement, du Suriname, comme disait Titus, pour les allocations, mais les nègres brésiliens aussi, du côté criminel, et avec les 9-8 mètres et compagnie. Il va falloir, je pense, mobiliser. Il va falloir. Des pick-up. Non. Il va falloir débloquer des crédits pour, ah oui. pour la Guyane. Ah. Les quartiers populaires. Voilà, pour les quartiers populaires guyanais, voilà. Pour quand même essayer je de. Je propose que nous déléguions cette gestion à notre cher Jean-Louis Barlow. ouais, c'est ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, à La Réunion, l'île de La Réunion, ce week-end, il y a eu un cafre, enfin un métèque de là-bas, moi je ne sais même plus de quelle race ils sont, parce qu'il a crié « Allah Akbar », tu vois, et dans un commissariat, et il avait son couteau sur la jugulaire, sous la jugulaire d'une nana de la police locale. Et alors, il a réussi à être désarmé. Mais il a presque réussi à égorger une policière à l'île de la Réunion au nom d'Allah quelques jours après la venue d'Emmanuel Macron, qui avait pourtant fait des annonces généreuses. Alors là, encore une fois, le pognon ne parvient pas à combler la génétique. C'est très étonnant. Ouais, il y a eu la Réunion aussi récemment. Enfin, vous connaissez peut-être, certains de nos auditeurs connaissent la Diagonale des Fous, qui est une course de trail au niveau de la Réunion. Il y a eu des gens qui ont saboté la course au niveau de l'itinéraire. Ouais, coupeurs de route, alors. Ils ont changé les panneaux, effectivement, des espèces de coupeurs de route modernes qui ont saboté la course, pour le coup. Hein. Ça, il y a ça qui a eu lieu. Il y a eu, effectivement, cet individu-là qui a dit à la Wagbar. Alors je précise parce que l'histoire de Allah Akbar, à la faveur de cette information, j'ai découvert un truc que j'ignorais jusqu'à présent. C'est qu'en fait, à l'île de La Réunion, il y avait une filière djihadiste qui avait été démantelée, oui. Puisque en fait, il y avait des Réunionnais qui essayaient d'aller faire le djihad en Syrie. Donc c'est pour vous dire que l'État islamique, La Réunion est déjà administrée par. Alors si tu veux, à La Réunion, si tu veux, tu as des enclaves. Passablement hindous, qui sont de plus en plus récupérés par l'islam salafiste. C'est-à-dire que ça te donne en fait des enclaves pakistanaises. Oui, pakistanaises, hein. Voilà. Hein, des hindous musulmans, c'est des pakistanais, c'est ça. Je connais, j'ai eu vent de ça. Alors. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ça, c'est des territoires français. Oui. Non, mais alors vous allez me dire, quelle différence on a des filières djihadistes en France, je vous l'accorde. Mais il y a quand même quelque chose qui émerge, là. L'État islamique, Al-Baghdadi est disparu. Peut-être un peu trop tôt, d'ailleurs. <C'était> quand... Mais je sais qu'il aura inspiré beaucoup de d'artistes de sa qualité qui prendront la suite. Mais il y a quand même quelque chose entre l'État islamique et les dom-toms, je veux dire entre Michael Harpon, martiniquais converti à l'islam wahhabite à Gonesse, une autre ville qui bénéficie des programmes de Jean-Louis Borloo, et La Réunion, où on voit des hindous convertis à l'islam. Dont je te rappelais, cher Gandalf. Non, mais qui cherche à rejoindre la Syrie, ça devient intéressant. Non, mais excuse-moi, cher Gandalf, un des propagandistes de l'État islamique, oui. En tout cas au niveau francophone, était Jean-Michel. Et où était, je ne sais pas s'il est mort. Ah oui, mais je crois qu'il est mort d'ailleurs. Hein. C'était Jean-Michel Klein, hein, qui était. Oui. Réunionnais, très précisément. Hein, qui a, ah, qui, ah bon parmi les... Ah oui, ben oui. Une espèce de métis, une espèce de machin bizarre. Et oui, c'était un Réunionnais. Voilà. Il y a une continuité républicaine. Oh putain. Bon, messieurs, sur ce, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. On va continuer, comment dirais-je, le courrier des lecteurs, puisqu'on en a un autre assez large, mais il y a aussi toute l'actualité. Je vous assure que c'est très riche en continuité républicaine. Vous ne serez pas déçus du voyage. Pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Apprendre à lire, à compter, c'est trop compliqué. T'es trop fatigué. Toute l'année t'es en vacances, tu n'as rien d'autre à penser qu'à bouffer et chier, qu'à boire et baiser. C'est mon fric que tu dépenses. Couleur café, ta couleur me fait dégueuler. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir brûler ma bagnole, ma résidence. Si tu fais comme à Aulnay, rien qu'à tout casser, tu vas te heurter aux limites de ma patience. Couleur café, ta couleur me fait dégueuler. Besoin de légiférer autour du café, envoyer l'armée, forcément il y aura de la casse. Mais si on laisse proliférer ces êtres cafés, ils vont ravager ce qui reste de notre espace. Couleur café, ta couleur me fait voici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 43. Nous sommes toujours sur la rubrique courrier des lecteurs, parce qu'elle est copieuse. Hein. Et c'est le troisième courrier, en direct de la Suède. En direct de la Suède. C'est Valhalle qui nous écrit. Je le remercie de nous avoir adressé ce courrier. J'espère qu'il sera intéressant pour nos auditeurs. Bonjour. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre travail. Chaque mardi, c'est un vrai régal d'écouter votre émission. Vous apportez beaucoup de bonheur et d'espoir avec votre œuvre. Ben, merci. Dans ce courrier, je voudrais faire une comparaison entre la Suède et la France et expliquer un peu pourquoi la Suède est à l'heure actuelle dans un état si déplorable. J'espère que ça vous intéresse et que ce n'est pas trop long. Alors, le courrier est assez long, mais je pense qu'on va apprendre des choses. Je viens de Suède, mais j'ai vécu en France, dans la région parisienne, pendant presque 4 ans. J'écoute votre émission depuis au moins 2 ans, et votre émission m'a aidé à apprendre le français. Ah bah, comme quoi. Grâce à vous, j'ai appris plusieurs mots et expressions qu'on n'apprend pas forcément dans un cours de français, du genre bougnoule, boucac, putain nègre, etc. Désolé d'avance si j'écris comme un nègre. Alors pas du tout, il a un excellent français, je dois dire que ça c'est... Ouais, c'était... Oui, pour avoir lu le courrier, c'est excellemment bien écrit. Hein. Oui, j'avais pas remarqué que c'était un étranger. Enfin, d'origine étrangère, un Suédois, j'avais pas remarqué. Donc, quand j'observe ce qui se passe dans ces deux pays, la Suède et la France, je me demande s'il y avait une compétition entre ces deux pays. Quel est le pays le plus con en Europe ? Il y a plusieurs similarités, mais aussi, bien évidemment, plusieurs différences entre nos deux pays. Historiquement, la France a joué un rôle important pour la Suède. Les deux pays étaient alliés pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle et plusieurs rois suédois étaient très francophiles. Dans la cour suédoise, on parlait périodiquement français. René Descartes était le précepteur de la reine Christine à Stockholm. Et même aujourd'hui, le roi de la Suède est le descendant d'un général de Napoléon, Jean-Baptiste Bernadotte. Avec la montée en puissance de l'Allemagne pendant le XIXe siècle, l'influence française a progressivement diminué, mais on associe encore aujourd'hui la culture française à l'élégance et la sophistication. En Suède, comme en France, on a bâti un État extrêmement centralisé. Toutes les décisions d'importance sont faites à Stockholm, comme à Paris en France. La France a probablement servi comme exemple pour la Suède, principalement pour financer toutes les guerres à l'époque, et je pense que cette centralisation a entraîné une grande faiblesse dans nos deux pays. Il suffit pour une poignée de personnes mal intentionnées de s'emparer de la capitale pour complètement bousiller le pays. Je ne saurais être plus d'accord. Contrairement à la France, la Suède a pu éviter les deux guerres mondiales, deux véritables catastrophes pour la race blanche, ce qui a été un grand avantage pour la Suède. Au début du XXe siècle, la Suède était un pays pauvre où beaucoup de gens émigraient aux États-Unis, mais après 1945, l'industrie suédoise était en plein essor et on est devenu un des pays les plus riches au monde. Aujourd'hui, on voit une différence très nette de richesse. Globalement, le standard de vie est beaucoup plus élevé en Suède qu'en France, surtout dans la campagne. Malgré la taxation élevée, la Suède marche encore mieux économiquement comme pays que la France. Quand est-ce que la catastrophe a commencé en Suède ? Comme presque partout dans l'Occident, c'est principalement après 1945 qu'on a vraiment vu l'effondrement commencer à cause du même coupable principal, le juif. La présence des juifs en Suède était longtemps minuscule ou même inexistante. C'est vers la fin du XVIIIe siècle, les débuts du XIXe siècle, qu'on a vu l'arrivée du premier mouvement de juifs en Suède, et aujourd'hui il y a environ 20 000 juifs dans le pays. Parmi eux, on retrouve la famille Bonnier, ou Bonnir, qui avait à l'origine le nom de famille Hirschel, investie dans le domaine de l'édition. Cette famille juive est aujourd'hui très puissante et a joué et joue encore un rôle extrêmement nocif en Suède. Dans les années 1960, le premier ministre de la Suède de l'époque, Tage Erlander, s'exprimait sur la situation aux États-Unis avec les émeutes de nègres et il a proclamé qu'en Suède nous avions une situation bien meilleure parce que la population suédoise était ethniquement très homogène. À cette époque-là, par exemple, considéré comme plutôt exotique d'avoir les yeux marrons. En même temps, les juifs étaient malheureusement à l'œuvre. Pendant et après la guerre, la Suède a reçu beaucoup de juifs vivant au Danemark, principalement à Copenhague, la ville la plus mercantile en Scandinavie. La Suède a aussi reçu plusieurs survivants des usines d'abat-jour et de savon de Pologne. Un de ces survivants s'appelait David Schwartz. Pour remercier le peuple suédois, cet intellectuel juif a publié plusieurs articles dans le journal Dagens Nyheter, un des journaux les plus prestigieux en Suède, détenu par, bien évidemment, la famille Bonnier, donc Hirschel, où il a argumenté agressivement pour que la Suède devienne un État multiculturel. C'était la première fois qu'un intellectuel l'a fait en Suède. À l'époque, la Suède était dominée par un parti politique populaire et socialiste, Socialdemokraterna, et David Schwartz n'a pas eu beaucoup de soutien dans ce parti à ses débuts. Dans quel sens est-ce que c'est bien, en quoi est-ce bien, disons, pour le travailleur suédois d'accueillir ces étrangers ? Semblait être une question parfaitement raisonnable à poser à cette époque. Donc là, je pense qu'il évoque en fait les réactions typiques à ce type de discours multiculturel, y compris dans les partis de gauche, en fait. Alors, ce parti politique était encore à ce moment-là marqué par des idées très similaires par rapport à celles du national-socialisme en Allemagne, et c'est même la Suède qui a inspiré l'Allemagne national-socialiste dans certains domaines, comme par exemple l'hygiène raciale. On parlait encore de créer la soi-disant Volk-Emmet, le foyer du peuple. Plus tard, David Schwartz a publié plusieurs livres. L'un d'eux avait pour titre « Est-ce que les immigrés peuvent devenir suédois ?» Vous voyez, on a bien eu le même discours ici en Suède qu'en France de la part de ces nés crochus, et c'est certainement un grand plaisir pour ce peuple nomade du désert d'avoir presque complètement détruit le peuple suédois, le peuple le plus aryen au monde. Malheureusement, une des sympathisantes de David Schwartz s'appelait Olof Palme, qui est devenu plus tard Premier ministre de la Suède. Olof Palme était Premier ministre de la Suède pendant 11 ans, jusqu'à sa mort en 1986. Il a été tué en pleine rue. Pendant son mandat, l'immigration a vraiment commencé dans le pays. Au début, les immigrés étaient principalement des Européens, principalement des Finlandais et des Italiens qui travaillaient dans les usines. Plusieurs de ces travailleurs sont après retournés dans leur pays d'origine. À la fin des années 60 et au début des années 70, on a eu le plaisir de recevoir beaucoup de juifs de Pologne et d'autres pays communistes dans l'Europe de l'Est à cause des purges de juifs dans les régimes communistes. Ces juifs de l'Est sont particulièrement sales et nocifs, même les communistes ne les supportaient pas. D'autres groupes d'immigrés en Suède pendant cette période sont aussi venus, donc, mais aussi dans les années 80 et 90, les Chiliens communistes, les voyous des Balkans, les Iraniens qui faisaient partie de l'intelligentsia du pays, les Palestiniens, les Kurdes et les Turcs. Donc on voit en gros une espèce de... tous les exilés rouges ou les opposants au régime des pays en question sont allés vers la Suède, donc à l'appel de ce gouvernement, c'est ce qui nous explique. Un des pires premiers ministres que la Suède ait jamais connu est sûrement Fredrik Reinfeldt. Cet homme est le descendant d'un nègre américain qui était directeur de cirque et qui a engrossé une jeune fille d'origine balte en Suède. Oui, c'est vrai. Il y a 13 ans. Après avoir été élu en 2006, il a dit que ce qui est vraiment suédois, c'est uniquement... Non, ce qui est vraiment suédois est la barbarie. Donc en gros, il dit que ce qui est réellement suédois, si vous devez trouver quelque chose de vraiment suédois en Suède, c'est la barbarie. Donc tout ce qui est barbare ou a un caractère barbare est suédois. Tu me permettras de te couper, cher ami, c'est très exactement ce que disait le Premier ministre britannique quant à l'avancée des troupes germaines en Europe de l'Ouest, en France notamment. Hein. C'est pendant la barbarie. Pendant quel conflit ? Deuxième ? Première guerre mondiale ? Oui, bien entendu, oui. Deuxième guerre mondiale, donc la barbarie, oui. La barbarie germanique, effectivement. La barbarie germanique, oui. Autrement dit, l'homme qui était Premier ministre de la Suède pendant 8 ans était un homme qui déteste les Suédois à cause, du moins partiellement, de son sang nègre. Pendant le mandat de Reinfeldt, l'immigration du tiers-monde, Somalie, Syrie, Afrique du Nord, Asie centrale, a complètement explosé dans le pays. Et je crois que c'est pendant cette période que la Suède est devenue un mème à l'étranger. Donc un mème, c'est-à-dire, on va dire, une image, un symbole même de la dégénérescence occidentale, quoi. C'est pendant cette période que j'ai découvert moi-même les problèmes liés à l'immigration. Une différence entre la Suède et la France est le degré d'emprise du poison juif qui est le féminisme. La Suède, comme les Pays-Bas, est historiquement moins patriarcale que d'autres pays européens. Aujourd'hui, cependant, les relations hommes-femmes sont très déséquilibrées en Suède, tandis qu'en France, il y a encore une culture du machisme, même si elle s'affaiblit. On peut encore, par exemple, raconter des blagues plutôt machistes en France, mais ces blagues seraient inconcevables en Suède. Certes, le féminisme a rendu les hommes suédois trop féminins, même si je trouve que les hommes français, surtout les parisiens, ne sont pas des exemples brillants de virilité non plus. Mais ça a aussi amené une certaine dimension de compétition et un manque de camaraderie entre les hommes. Une gonzesse qui est juste moyenne peut exiger un homme quasiment parfait, et vu que les femmes sont plutôt indépendantes économiquement en Suède, elles peuvent se permettre d'être assez superficielles dans leur choix d'hommes. Un phénomène récent qui démontre le pouvoir des femmes sur les hommes en Suède sont ces femmes célèbres, plutôt aisées, qui se mettent en couple avec des hommes qui ont moins de 10 ans qu'elles. Intéressant, ça. Un phénomène vraiment d'inversion par rapport à la société traditionnelle patriarcale. Des gigolos, quoi. Bah, en fait, c'est le matriarcat. Hein. C'est le matriarcat, en réalité, hein, qui se met en place. Hein. Donc, je trouve que la négrophilie est beaucoup moins répandue en Suède qu'en France. Ah, Derek. Ton église, moi je l'accepte tout à fait et je suis assez convaincu. J'avais déjà parlé d'une émission qu'il y avait chez nos confrères de Radio Athéna avec, je crois, Elias Jonasson hein, qui avait passé quelques années dans ce pays qui était la Suède. Oui, il y a effectivement. Une négrification, un amour du métier. Enfin, une négrophilie, disons. Ouais, une négrification qui est en cours. Ouais. Non, mais il n'y a pas de négrolâtrie comme il peut y avoir en France. En France, Dieu est un nègre. Oui. Hein, le créole, le guyanais, comme l'a dit notre Oui. auditeur précédent. Il y a quelque chose qui touche au divin en France. Oui, oui, Alors oui. que, alors que bon, en Suède, en fait, si tu veux, ça touche à une. Comment dire, c'est une culpabilité mal placée parce que les types n'ont jamais colonisé personne. Et bon, ils se disent oui, non, mais les blancs, on est méchants, donc quand même, voilà, on va cuire les gens marrons. Ils arrivent à avoir des systèmes sociaux, style la sécurité sociale, qui soient plus efficaces que ce qu'on peut avoir en France. Hein, parce que la France, c'est la Pour moi, la Alors, sécurité écoute, sociale, c'est l'enfer. permets-moi simplement de faire une petite digression, une petite précision statistique. Elle se suffit à elle-même. Nos auditeurs vont être, peut-être pour certains, vont le découvrir, et je ne résiste pas à la tentation donc de leur livrer ce chiffre. La France dépense environ 750 millions d'euros pour ses dépenses sociales annuellement, ce qui est plus que le budget de l'US Army. Donc... Non, milliard, tu veux dire, non? Oui, 750 milliards d'euros. Oui. Donc la France dépense 750 milliards d'euros de dépenses sociales chaque année, ce qui en laisse environ 500 millions pour tout le reste, hein, fonctionnement de l'État, armée, etc. ouais. Donc 750 milliards, ce qui est plus que le budget de l'armée américaine. Ben non, mais alors c'est inquiétant dans le sens où Non, mais enfin ça fait le c'est lien, comme tu inquiétant parles de sécurité sociale, de dysfonctionnement, etc. Donc oui je cite quand même le mais budget en question, c'est juste colossal. moi je serai les pays alentours alors les non non non non non nos non, non partenaires hein, de l'Union européenne et même d'au-delà enfin nos partenaires qui ne sont pas des nègres chers amis ces milliards-là destinés à faire proliférer le nègre, c'est une arme de destruction massive à votre endroit. Hein. Ces nègres-là sont Oui, ils sont en une transit, c'est arme. ça que tu veux dire, ils sont en transit. Ils sont en transit. Ils sont en transit et la civilisation française a Elle pour arrive. but. Ah oui, a pour but. De comment dire Bah de de se libérer développer l'Europe, de libérer l'Europe. oui, de convertir le monde Comment tout à l'éther nègre. Alors. Donc je trouve que la négrophilie est beaucoup moins répandue en Suède qu'en France. Quand on voit une blondasse suédoise sortir avec un nègre, c'est très souvent le fond du panier. Grosse, moche, des tatouages, des piercings partout, un QI très bas. À Paris, par contre, j'ai vu de jolies filles bourgeoises, de bonne race et aux yeux clairs, sortir avec d'immondes boucaques fraîchement débarquées en France. Vous en avez déjà parlé, mais la négrophilie et la bougnoulophilie ambiante en France sont maladives. Tandis qu'en Oui. Suède, c'est plutôt forcé. Dans les publicités, par exemple, on essaie de vendre le nègre comme l'homme parfait, viril, et qui sait bien danser, mais en même temps respectueux et gentleman. Mais ça ne marche pas vraiment. Dans une ville comme Stockholm, la ségrégation raciale est complète, totale. Le centre-ville est quasiment blanc à 100% et l'immobilier est très cher. La population est donc très bobo, tandis que certaines banlieues sont complètement pourries, ou même la police n'ose pas entrer. Les Suédois n'aiment pas vraiment les nègres et les bougnoules, mais les gens sont simplement ultra-conformistes. Et ils ont peur d'être traités de racistes. Ce qui va entraîner l'ostratisation sociale, c'est-à-dire licenciement, perte des amis, perte d'une copine, etc. Avec un beau salaire et un héritage qui n'est pas négligeable, on vit donc très confortablement à Stockholm, quasiment complètement épargné de la lie du tiers-monde. Contrairement à Paris, où même dans les beaux quartiers, le pourrissement est beaucoup plus visible. À propos de Stockholm, si vous visitez la capitale, vous voyez que le centre-ville est rempli de bâtiments d'une laideur stupéfiante. Vous pouvez remercier le sale juif russe Hjalmar Mehr, né Meyerowitz, qui a détruit la moitié des beaux et vieux bâtiments de Stockholm après la fin de la guerre pour les moderniser. Alors il poursuit, Sverige Demokraterna, donc c'est un parti politique, hein, donc qui veut dire les démocrates de Suède. Est un parti politique qui a émergé ces dernières années et qui s'oppose à l'immigration. Aujourd'hui, c'est même le deuxième parti le plus important du pays. C'est vraiment la version suédoise du FN ou aujourd'hui du RN. Au fil des années, ce parti a perdu presque tout ce qu'on pourrait considérer comme nationaliste. Les nègres qui dansent les danses suédoises traditionnelles pour célébrer le solstice d'été doivent être considérés comme suédois selon ce parti, aujourd'hui. Les dirigeants du parti exigent une loyauté totale envers eux et Israël, sinon on serait exclus. Pour eux, comme pour Marine Le Pen ou Marion Maréchal ex-Le Pen, c'est simplement un business où des gens plutôt médiocres peuvent profiter d'un salaire qui ne serait pas possible pour eux dans une entreprise normale. Pour le citoyen suédois lambda, ça reste quand même un grand pas de voter pour ce parti à cause du fait que les gens qui votent pour ce parti sont considérés comme des ploucs racistes. En Suède, dans le milieu nationaliste, on a eu une certaine admiration pour le soi-disant mouvement nationaliste en France, incarné principalement par le FN et Jean-Marie Le Pen. Une figure comme Alain Soral est aussi assez connue. Le soutien populaire pour le FN a été une source d'inspiration et aujourd'hui, Sveriges Demokraterna, donc les démocrates de Suède, font les mêmes scores que le FN il y a 17 ans. Mais qu'est-ce que ça change? Vos expériences en France montrent que absolument rien ne va changer si ce parti arrive magiquement au pouvoir. Tous ces échecs démocratiques montrent que c'est simplement une perte de temps et que la voie de l'avenir, c'est la radicalité basée sur la réalité raciale des choses. Ça implique le rétablissement du national-socialisme. À cet égard, Nordiska motståndsrörelsen, j'ai un très mauvais suédois, vous me pardonnerez, le mouvement de résistance nordique, dont l'équivalent n'existe même pas en France, est un mouvement prometteur parce que c'est un mouvement nationaliste basé sur un solide fondement idéologique centré sur le national-socialisme. C'est un parti national-socialiste suédois qui est légal et qui a des activités publiques. Je le précise pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce parti. On crache souvent sur la Suède. La Suède est souvent mise en avant comme l'exemple d'un pays névrosé et suicidaire. Je ne pense que ce n'est pas complètement juste et que l'idée d'un suicide, que ce soit en Suède ou en France, je pense notamment à Éric Zemmour et son livre Le suicide français, égare l'opinion. Si on suit ce raisonnement, on perd la ficelle hébraïque. Un peuple n'est pas suicidaire par lui-même, c'est évident. Cette force destructrice doit venir de l'extérieur. Et cette force étrangère doit après s'incruster chez l'hôte. C'est la seule façon valable d'expliquer d'une manière scientifique la situation d'aujourd'hui, et cette force extérieure est le juif. Bien sûr, il y a d'autres groupes nuisibles en Suède, comme les bourgeois affairistes, les baby-boomers, les professeurs gauchistes 68-ards dans les universités, et les féministes radicales. Mais le noyau du problème reste hébraïque. Il y a peut-être certaines faiblesses innées chez les Suédois que les Juifs ont pu exploiter, comme le respect de l'ordre, le conformisme, la tendance à éviter les conflits et la forte position des femmes. Mais en même temps, c'est aussi un beau peuple pragmatique, travailleur et discipliné, façonné par le dur climat du Nord. Ces traits sont fonctionnels dans une région subarctique, plutôt isolée comme la Suède, où l'ennemi principal est la nature. Mais ils deviennent plutôt dysfonctionnels dans une société multiculturelle. C'est d'ailleurs le climat qui me donne un peu d'espoir pour la Suède. Toutes ces sales races du tiers-monde sont trop connes et fainéantes pour survivre dans un climat si dur. Sans les allocations, ils partiraient le lendemain. Tout compte fait, il faudra régler les comptes un jour. Ce courrier est devenu plus long que prévu, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la Suède. Encore une fois, j'aimerais remercier l'équipe de démocratie participative, surtout Gandalf. La vie est une lutte éternelle, et ce sont seulement ceux qui sont prêts à se battre qui méritent de vivre, même si les années qui viennent vont être difficiles pour l'Europe. C'est le combat dur qui rend une vie intéressante et je suis sûr que votre travail va nous mener vers la victoire finale. Sieg Heil, Kameraden, et comme je le disais, c'est Valhalle qui nous a écrit ce très beau courrier. Merci à Valhalle de nous avoir fait une explication de la Suède, parce que c'est vrai que c'est un pays qu'on connaît peu. En tout cas, moi, je le connais peu. Oui, et puis c'est une explication, pour le coup, d'un Suédois qui est du cru. C'est intéressant que démocratie participative s'adresse à ses camarades. Les camarades de l'Europe entière. Et surtout d'Europe du Nord. Surtout du Nord. Parce que des surtout couilles, Nord. Hein, on a assez donné. Hein. Oui. Bon, cher ami, oui, ouais, moi je. Bon. Je tenais à relativiser effectivement ce qui peut y se passer en Suède, notamment parce que. Par rapport notamment à la sécurité sociale, par exemple, et même à l'aspect contractuel. Bon, j'ai parlé de Je vais me baser sur ce qui avait été dit dans l'émission de Radio Athéna par nos camarades. C'est-à-dire que les Suédois ont un aspect très contractuel, pardon, de le. Qu'est-ce que tu entends par contractuel? Bah, c'est-à-dire que je t'accepte chez moi, mais tu as droit à ça, tu n'as pas droit à ça, et si tu transgresses, voilà, ça a mal se passer. Alors que nous en France, nous avons une approche plus latine des choses, plus. Oui, plus laxiste, oui, en fait, tu veux dire. Plus laxiste. Et ça donne la sécurité sociale, hein. Même sans mettre le METEC au centre de l'équation de la sécurité sociale, enfin moi je suis entouré de gens qui tous les jours trichent à la sécurité sociale, hein. Des gens qui ont des yeux pourris, des gens qui ont des chicots pourris, qui vont faire des magouilles avec des dentistes ou des ophtalmos pour se faire refaire les chicots tous les 2 ans ou refaire les dents tous les 18 mois, hein, parce que ils ont droit à ça, donc ils font, etc. Au niveau de la Suède, on établit les bases assez solidement, et si tu chies dans la colle à ce niveau là eh bien ça va pas, hein, que tu sois blanc, que tu sois autre. Hein, bon, manifestement, c'est plutôt les blancs, c'est plutôt les non-blancs, hein, qui se mettent à faire n'importe quoi. Alors que bon, en France, c'est assez bien, c'est assez équitablement distribué, malheureusement. Oui, donc tu fais référence en fait à la filouterie, à l'égoïsme, à la triche en fait, qui prévaut dans un système socialisé où tout le monde devrait être réglo et penser collectif. Bon, moi, je suis assez sympathisant de la doctrine libertarienne, hein, par rapport à moins d'État dans tous les domaines de la société. Mais certes, moins d'État, c'est très bien. Mais force est de constater que quand tu as des populations différentes qui se choquent à des règles communes, eh bien ça ne fait pas la même chose. Bon, les blancs d'Europe du Nord, par rapport à leur sécurité, enfin, ils ont une assurance obligatoire où ils peuvent choisir, pour le coup. Hein, ce n'est pas une sécurité sociale centralisée à la française, ce sont différentes sécurités privées, mais tu dois choisir quand même laquelle va te, à laquelle tu adhères, à laquelle tu es affilié. Ça marche beaucoup mieux que le machin français. Quoi. C'est pas déficitaire comme ça l'est pour nous. Donc, ne serait-ce que pour ce côté-là, la Suède est quand même supérieure à la France, très franchement. Oui, bah, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en Suède, même s'il y a le côté conformiste qu'on connaît, les Nordiques ont une vision beaucoup plus responsable de l'homme, c'est que pour eux, chacun fait ses choix, et les individus, il y en a, mais justement, les individus font des choix, et si tu fais des choix de merde et que tu transgresses, à un moment, tu dois le payer, alors qu'en France, il y a toujours la culture de l'excuse, d'une part. C'est oui, mais c'est social, oui, mais c'est ceci, mais c'est cela, il n'y a pas assez d'argent Rousseau, public, il faut déverser, etc. C'est vrai, les Suédois n'ont pas de Rousseau, hein. Je crois qu'ils ont eu de la chance, hein, parce que Descartes leur a donné de meilleures leçons que Rousseau. Et puis, en France, il y a quelque chose aussi qui est très alpin, pour ceux qui sont familiers avec l'idée que les Blancs sont nordiques, alpins, méditerranéens, enfin, ou des combinaisons, c'est que les Alpins ont quand même beaucoup plus tendance à la coterie et à former des espèces de petits groupes, des petits clans, qui vont ensuite s'approprier des administrations, des territoires comme ça, des territoires, là, comme on disait tout à l'heure, et après essayer de prendre le plus d'argent public possible. Et dans ce cas, il y a encore moins de responsabilités individuelles, et c'est encore plus le groupe, ou le clan machin, le clan truc, qui compte, ce qui laisse d'autant plus d'occasions après pour la resquille et pour tous les petits arrangements comme ça, alors que quand l'individu est tenu responsable, forcément, peut-être qu'en Suède, on aurait un petit peu honte de profiter comme ça de la sécu, alors qu'en France, c'est normal, en fait. En France, c'est si tu ne le fais pas que t'es un con. Que les gens se disent, bah non, t'es naïf, t'es con, t'es un pisse-vinaigre. Tu feras mieux d'être corrompu. Mets-toi au diapason. Bah, c'est la notion de groupe, en fait. C'est-à-dire que quand tu as conscience d'appartenir à un groupe organique, il est dans ton intérêt bien compris que le groupe fonctionne. C'est-à-dire que c'est une stratégie de survie, hein, fondamentale, mais qui est héritée du fond des âges, quoi. Et si le groupe ou le peuple concerné est très homogène, il sait d'instinct que voler son voisin, c'est honteux parce que ça affaiblit son groupe et ça affaiblit les siens. Donc c'est comme si tu volais, ta mère ou si tu volais ton père ou si tu volais ton frère. C'est honteux et évidemment on ne le fait pas aussi facilement. Donc ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans les sociétés, je veux dire, nordiques, à fort QI, hein, je précise, hein, les sociétés à fort QI qui sont très homogènes, on ne vole pas son voisin. Et même en France, parce que je pense qu'en France, il y a une conscience de groupe qui est beaucoup plus faible, parce que je pense que la France est fondamentalement beaucoup plus hétérogène à l'origine, mais même en France, dans les années 50, 60, 70, on pouvait encore laisser dans les campagnes les portes ouvertes, etc., cette culture de la porte fermée à clé est une culture récente, et c'est une culture de la défiance. C'est un parfait symptôme très immédiat et incontestable de l'effondrement de la confiance dans le groupe au sens large. D'accord ? Ça traduit quelque chose. Parce que comment voulez-vous faire de la planification à long terme quand vous ne pouvez pas faire confiance sur une chose aussi élémentaire de court terme que laisser sa porte ouverte ? D'accord ? Donc, pour moi, là, il y a quelque chose. Et pour des sociétés comme la Suède, je pense qu'en fait, si vous voulez, il va y avoir... Parce qu'on parle de peuple, on parle de... Je veux dire, comment dire ? Les peuples sont quand même câblés génétiquement, je veux dire. C'est pas des choses qu'on peut prendre à la légère. Alors, les réactions des peuples sont plus longues que les réactions des individus. Donc, on peut bousculer un peu un pays comme la Suède ou des pays de cette nature... En leur mettant tout d'un coup une forte immigration somalienne, enfin, ce qui est complètement aberrant. Enfin, vous prenez des gens de la Corne d'Afrique, vous les bazardez dans les plaines gelées de Suède et vous dites que ça c'est le nec plus ultra de la reprogrammation sociale. Bon, c'est sur le long terme, c'est une folie, quoi. Bon. Mais ça prend du temps. C'est-à-dire que le temps que les Suédois comprennent le problème. Il y a une longueur. Vous prenez les Américains. Les Américains n'ont pas toujours aimé les nègres. Ils aiment les nègres parce que les Juifs leur ont dit d'aimer les nègres dans les années 60. Donc ça fait 50 ans que les Blancs aux États-Unis croient que les nègres sont une vraie valeur ajoutée. Bon, mais ça n'a que 50 ans. Dans l'histoire de l'Amérique du Nord, dans l'histoire des États-Unis, 50 ans, c'est très peu. Donc c'est pas parce que pendant 50 ans, le nègre est le roi de l'époque avec le Juif que ça va durer... pour 50 ans supplémentaires et a fortiori pour 500 ans supplémentaires, d'accord ? Donc je pense qu'il faut voir les choses sur un temps plus long, d'une manière générale. Alors après, il y a aussi l'horloge biologique qui tourne et l'horloge démographique, donc c'est vrai qu'il y a du rapport de force, etc. Mais fondamentalement, moi je crois que le racisme est naturel chez l'homme et que l'antiracisme est totalement antinaturel chez l'homme. Et ça va revenir. Donc, moi, je ne serais pas étonné, si vous voulez, et on le voit électoral, je ne serais pas étonné de voir des pays comme la Suède, ou même des pays comme l'Allemagne, opérer des virages en 180 degrés, et ce qui pourrait surprendre beaucoup de gens, qui finalement ne connaissent pas assez bien ces peuples-là. En revanche, dans des peuples où la cohésion du groupe est beaucoup plus précaire, beaucoup plus friable, comme en France par exemple, où l'État joue le rôle d'unifiant, parce que finalement l'unité ethnique ou l'unité culturelle, elle n'est pas aussi nette que ça, là pour le coup, il peut y avoir une espèce, si vous voulez, de réaction beaucoup moins forte, parce que finalement... pallieraient, si vous voulez, à cette invasion ethnique, des stratégies beaucoup plus individualisées. En gros, pour parler plus vulgairement, en fait, chacun pour sa gueule. Donc en France, j'ai tendance à penser que le réflexe viendra plus des individus. C'est-à-dire c'est plus des individus qui vont essayer d'esquiver, qui vont adopter des mesures pour éviter les nègres, les métèques, en général les musulmans, et qui vont donc s'adapter, et qui n'en penseront pas moins, que vraiment, tout d'un coup, toute la société qui opère un basculement total, net et univoque. Je pense que ça sera beaucoup plus nuancé en France. Mais je peux me tromper. C'est déjà le cas, hein, je pense. C'est déjà comme ça. C'est-à-dire, vas-y. Parce que les bobos, ça fait très longtemps que, par exemple, ils jouent sur la carte scolaire. C'est pour les autres, oui, c'est bien la mixité sociale, il faut mélanger, il faut garder la carte scolaire. Et puis, les bobos sont les premiers à mettre leurs enfants, à leur faire faire du russe, du grec ancien ou des options rares. Pour, hop, ah bah c'est pas de bol, Timothée fait du grec ancien, vous voyez, donc il faut qu'il aille dans un lycée à Bobo, même s'il a un lycée à Nègre qui est plus près de chez lui. Et justement, Christophe Guilly l'avait relevé, les Bobos ont plein de stratégies d'évitement comme ça pour ne pas trop côtoyer les Nègres, et du coup, eux-mêmes, ça arrange pour ne pas subir ce qu'ils infligent aux autres, donc ça se fait déjà en fait. Les stratégies mais ça c'est intéressant ce qu'il dit, Derek, il dit qu'il continue à voter à gauche. Et oui, c'est malgré ça. C'est le principe de la si tu veux, c'est le judaïsme synthétique. C'est le judaïsme, on prend les goy, tu empoisonnes le puits sans y boire toi-même. C'est ça. Ouais, des juifs de synthèse. Fulbert, j'ai envie de t'interroger là quand notre camarade nous dit voilà. Bon, camarade est national-socialiste, hein. Il nous parle d'un parti national-socialiste qui existe en Suède parce que c'est probablement le seul pays de Suède où on peut être national-socialiste officiellement. Je précise que le parti national-socialiste en question n'est pas du tout un parti folklorique au sens où vous auriez trois skinheads avec des croix gammées tatouées sur le front. On parle vraiment d'un véritable parti fasciste. Donc avec des gens qui sont parce qu'il faut bien comprendre que c'est ce qui a fait la dangerosité du national-socialisme pour les juifs. Ce n'était pas une organisation de bras cassés avinés, c'était des gens extrêmement brillants, et c'est ce qu'on voit dans le parti national-socialiste suédois. On les voit dans la rue, vous voyez les défilés, etc. Bon, les défilés, si vous voulez, déjà ils sont en ordre, tout le monde porte les mêmes tenues. Vous voyez bien qu'il n'y a pas que des bras cassés là-dedans. Donc ce que je veux dire, c'est que dans des pays comme la Suède, où le QI est quand même très élevé, le stock ils sont quand même bien servis génétiquement à l'origine, pour moi, il y a un vrai potentiel. Et puis surtout, ils ont encore quelques libertés qui leur permettent de faire ça. En France, évidemment, alors je ne dis pas qu'en France, on crée un parti national-socialiste, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Hein. Mais bon, ils ont des libertés. Alors j'interroge Fulbert, parce que bon, Fulbert lui-même est national-socialiste. Hein. Je veux avoir ton opinion sur ce qu'il nous dit. Ou alors, si tu veux, déborder sur autre chose presque. Que ce soit sur la confiance la confiance, la solidarité, la réaction face à ce qui se passe des peuples. Oui, ben écoute, moi il y a une chose déjà qui me frappe, c'est que la Suède a une langue qui n'est apparemment parlée que dans son propre pays. Ça, c'est déjà pour moi un problème en soi. Il est difficile d'aller voir chez l'autre, à moins d'être polyglotte. Il est difficile d'aller voir chez les autres ce qui s'y passe exactement. Donc la Suède a quand même... J'imagine que les Suédois ne sont pas tous des polyglottes, loin de là. Donc, quelque part, ils se trouvent face à leurs propres problèmes à régler. Ce qu'a très bien décrit la personne, notre correspondant. Là. Mais je me demande si ce n'est pas une faiblesse quelque part de vivre dans un pays qui a sa propre langue et qui ne peut pas explorer ses voisins. D'un autre côté, ça peut être une protection aussi, parce que, bon, on ne tombe pas dans la propagande des autres. Hein. Je dis ça en pensant précisément à mon propre pays, qui subit, pour une partie du moins, qui subit l'influence néfaste, nocive de la République française et je vais dire de son empire. Parce que quelque part, avec ce qui a été dit précédemment avec les dom-tom, justement, il y a même des nationalistes en France qui veulent absolument garder les dom-toms, à commencer par le FNRM. Et c'est toujours ce poids, c'est ce boulet aux jambes de la population en France de traîner donc ce boulet de l'ancien empire dont on veut garder une image éternelle. Moi, ça me frappe. Donc, j'en reviens aux Suédois. Moi, je leur souhaite bonne chance et j'espère que le fait qu'ils ont une langue bien à eux va aussi les protéger. Enfin, c'est ce que j'espère pour eux, en tout cas. C'est intéressant ce que tu dis, d'avoir une langue propre, originelle, qui n'est pas parlée en dehors de ses frontières. Pour moi, je ne crois pas que ce soit vraiment un handicap pour eux, parce que ce sont des gens qui parlent beaucoup anglais. Ils ont un très bon taux de maîtrise de l'anglais. Ceci étant dit, évidemment, ça n'enlève rien à ce que tu as fait observer. Hein. Absolument. Rien. Maintenant, il y a encore autre chose. Vous savez, je me mets un petit peu en observateur. Je vois que, puisque je suis francophone, je lis beaucoup ce qui se passe en France, nous en parlons entre nous, eh bien, je m'aperçois que on décrit la Suède, c'est ce que fait remarquer d'ailleurs le correspondant, on décrit la Suède comme un pays qui est déjà très très près de sa chute, ce qu'affirme le correspondant. Or, j'ai remarqué une chose justement, c'est que on a tendance en France, qu'on soit nationaliste ou qu'on soit, je dirais, gauchiasse, parce que pour moi tout le reste, c'est de la gauchiasserie, c'est des gens qui sont de droite ou de gauche, n'importe quoi, mais qui ont des idées de gauche qui sont complètement utopiques et stupides. Mais on a tendance à présenter les pays voisins, y compris, et je dis, par les nationalistes, des pays voisins, d'autres pays européens, comme étant tombés déjà plus bas que ce que le malheureux français subit. J'ai vu ça, par exemple, je vais vous rappeler une chose dont on a déjà parlé, où on citait par exemple la Belgique, qui est mon pays que je connais un petit peu mieux, où l'on disait, voilà, vous vous rendez compte, Molenbeek, mais bon, un nid de frelons, c'est vrai, la Belgique, elle est envahie, bouffée, submergée, etc. Oui, ben, moi je mets un bémol quand même, ça non pas parce que c'est ma fierté de Belge, pas du tout, je sais que ce n'est pas exactement le cas. Et j'aurais tendance à réagir un petit peu comme notre correspondant suédois. Il faut remettre un petit peu les choses en place et l'église au milieu du village. La Belgique est submergée, c'est indéniable, mais il y a des submersions qui sont bien plus catastrophiques encore que la situation belge, ou manifestement la situation suédoise. C'est ce que je voudrais rappeler à pas mal d'amis français que j'ai, qu'ils regardent bien en face leurs propres nationalistes, je pense entre autres au FNRN, qu'ils les regardent bien convenablement dans les yeux, parce que je ne suis pas du tout sûr que la vérité, que la lumière viendra de là. Mais c'est une opinion personnelle. Intéressant, Fulbert. Quelqu'un veut réagir au propos de Fulbert ? Pas particulièrement ? Bah moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le point bon il cite hein voilà le parti anti-immigration officiellement établi en Suède, il fait un parallèle avec le FN, il dit bon bah finalement ce sont des partis globalement opportunistes, bah oui parce que la démocratie produit ce type de parti hein, c'est ça hein. Donc c'est sûr ça ne contribue pas et puis il y a la censure ambiante qui joue. Mais dans le cas français, il y a, je suis absolument d'accord avec ce point, et on l'a notamment abordé la semaine dernière et cette semaine avec l'exemple guyanais, la question finalement de la gloriole étatique. C'est-à-dire que le problème des Français, trop souvent, c'est d'identifier, pour des raisons qui se comprennent au plan historique, hein, mais c'est d'identifier le peuple autochtone et l'État. Et les Français estiment que, d'abord, l'État en place est le leur, c'est-à-dire que c'est l'État des Français historiques, des Français de souche, et que plus cet État est puissant, y compris territorialement, alors que plus il administre le territoire, plus le peuple autochtone est puissant par voie de conséquence. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour eux, et pour ceux qui sont pas très bien identifiés vers cette rupture, l'État français n'est plus français. C'est un État, mais il n'a plus de caractéristiques françaises au sens indigène du terme, ou plus exactement, sa fonction, sa raison d'être, n'est plus de promouvoir les intérêts de la population française indigène en tant que population française indigène. C'est un État cosmopolite, entre les mains d'une bourgeoisie qui est totalement soumise aux Juifs et qui défend des buts cosmopolites. Et c'est cet État qui va donner des papiers, à des migrants, à des Algériens, à des Guinéens, on va y revenir, mais aussi qui va nous expliquer que, finalement, des populations hirsutes de Guyane, des musulmans de Mayotte sont français, parce que le territoire est administré par la France, et donc ils sont français au même titre que les autres. Or, ce qui pouvait être, si vous voulez, ce hiatus, cette incompréhension qui pouvait être tolérée, si vous voulez, il y a 50 ans, parce que finalement les conséquences démographiques étaient infinitésimales, aujourd'hui ne peut plus être tolérée, parce que justement c'est ce qui accélère le découplage entre l'État et la population autochtone. Et finalement, aujourd'hui, l'État français, c'est l'État de tous les autres, sauf des autochtones. Et quand on a longuement discuté de la situation à Chanteloup-les-Vignes et dans les Yvelines, et d'une manière générale avec ces politiques budgétaires qui sont faites en direction des étrangers, c'est-à-dire la préférence étrangère budgétaire, démontre que l'État français n'est plus français, que c'est un État cosmopolite, que c'est l'État des autres. Et pas l'État des nôtres. C'est ça le truc. Et c'est une rupture fondamentale. Puisque la fonction même de l'État français, c'était d'être un État-nation. La Révolution française, c'était ça son but, c'était de créer un État-nation. Alors on peut discuter, parce que là c'est encore une autre discussion sur le fondement de la nation en France historiquement, le caractère hétérogène à ses débuts de cette nation. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, dans ses buts déclarés, l'objectif de l'État français moderne, c'est d'être l'État des Français. C'est pour ça que c'est un État national. Or, aujourd'hui, il se comporte comme un État anti-national. Donc c'est un nouveau type d'État. Et c'est une rupture, inédite. Et je crois que les Français n'ont pas compris ça. Alors du coup, si vous voulez, et après je te redonne la parole, Fulbert, bien sûr, du coup vous avez des partis, comme le Front National, qui ne sont pas des partis du peuple français, qui sont des partis, des structures, si vous voulez, des structures bourgeoises, opportunistes, qui veulent intégrer l'État, donc l'État cosmopolite, et qui font le point de vue de l'État cosmopolite et de la bourgeoisie dominant cet État. Et c'est pour ça que vous les voyez faire des réaménagements, des aménagements, des changements, pour justement pouvoir intégrer le système. C'est tout l'objet de la dédiabolisation de Marine Le Pen. La dédiabolisation de Marine Le Pen, c'est le divorce de Marine Le Pen et de son parti des intérêts du peuple français pour intégrer cet État cosmopolite qu'elle veut rejoindre et dont elle espère des prébendes, dont elle espère la reconnaissance, dont elle espère assurer une partie de l'administration. Mais c'est pas les intérêts du peuple français, ça. Et je crois que, justement, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'en France maintenant, et c'est vrai en Allemagne, et c'est vrai probablement en Belgique, et c'est vrai en Suède, il y a une question nationale. Il y a une question nationale. Il n'y en avait plus, elle avait été résolue par la création de l'État-nation, maintenant, il y a une question nationale. Il y a une question nationale française. Et le peuple français, c'est ce qu'il dit en votant, soit en ne votant plus, en s'abstenant, ou en votant RN faute de mieux, si vous voulez, il dit, mais nous formons un peuple avec des caractéristiques précises, culturelles et ethniques, et nous voulons exercer la souveraineté sur notre territoire. Et la bourgeoisie cosmopolite leur répond, hors de question. Et je trouve que Macron, c'est ça qui est bien finalement avec Macron, c'est qu'il a, il a, il a, C'était opportuniste, mais il a clarifié le débat. Il a dit, c'est les progressistes, en fait, il voulait dire, c'est le système cosmopolite bourgeois en place, et juif, contre les nationalistes. Et il a bien résumé l'affrontement. C'est ça, c'est ce qu'on vit maintenant. Et je pense, pour ma part, que le nationalisme est beaucoup plus puissant que le sentiment bourgeois, libéral et cosmopolite. Beaucoup plus fort. Historiquement, c'est absolument avéré. Donc je pense qu'ils vont perdre. Par contre, la phase entre leur défaite finale et maintenant, la durée qu'elle va prendre, je l'ignore. Donc j'ignore la capacité de destruction que ces gens auront pour conserver le pouvoir. Ça, je ne le sais pas. Mais ils vont perdre, ça j'en suis sûr. Je te laisse la parole, Fulbert, bien sûr. Oui, je voulais ajouter une dernière petite chose qui vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que c'est une sensation personnelle, je suis peut-être dans l'erreur la plus complète, mais je vous dirais bien, on a parlé de la Suède, fatalement de la France, moi j'ai gratté un petit peu pour la Belgique, mais il n'y a pas que ces trois pays. Alors, je voudrais un petit peu vous confier une impression, tant pis si je me discrédite, mais regardez un petit peu les équipes nationales de football, puisque la plupart des gens aiment le football, beaucoup de gens en tout cas. Regardez un petit peu la composition de ces équipes. Vous me direz, ouais, tu vises l'équipe de France qui est presque totalement africaine. Non, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Regardez un petit peu l'équipe nationale de football suédoise. Ben là, je l'ai pas en tête. Je sais pas ce que ça donne quoi. Elle est presque totalement blanche. Il y a peut-être un ou deux nègres. D'accord. Il y a Ibrahimovic. Ici, Titus pourrait peut-être, ou Derek pourrait peut-être en dire plus que moi. Mais je l'ai vu jouer il n'y a pas tellement longtemps. Elle est presque totalement blanche. Je crois qu'il y avait un noir dans l'équipe que j'ai vue. Bon, vous prenez la Belgique. Il y a quelques noirs. Sur les 23 du noyau, vous avez, je ne sais pas, 4 noirs. Vous avez à peu près 4 ou 5 mulâtres, mais le restant est blanc. Et je pense que ces équipes de football, évidemment, ne représentent pas la population des pays concernés. Elles représentent surtout la volonté d'un État, de l'État de ces pays, à négrifier leur propre population. Oui. Moi, je crois que c'est surtout là qu'il faut l'accrocher. Oui, oui. Bien sûr. Bah, non, l'équipe de France ne représente pas du tout la composition du peuple français. Il y a évidemment, ou de la population qui habite la France. Je veux dire, il y a beaucoup de nègres en France, ça c'est indéniable. On va discuter au million près, il y a aussi beaucoup de maghrébins, mais on sait très bien qu'il reste des blancs en France. C'est pas... Bon. Donc cette équipe-là n'est pas du tout représentative de la composition ethnique de la France. Et il y a d'autres sélections, hein. La sélection nationale de rugby peut-être anglaise aussi est très frappante à cet égard. Elle est très négrifiée ou en tout cas devenue très cosmopolite. Donc oui, je te rejoins totalement. Hein. Tu disais Gandalf que les Français ont tendance à identifier l'État au peuple français. Et ça paraît faux dit comme ça, mais je me demande si dans le cas de la France il n'y a pas un léger fond de vérité, et pour cause, moi j'aurais une thèse historique qui est sûrement polémique, c'est que même dans le milieu chez les nationalistes on reprend l'idée que la France a été créée au 4e ou au 5e siècle avec la conversion de Clovis, ensuite avec Charlemagne, et je me demande si en fait ça n'est pas simplement un mensonge républicain et maçonnique qui date du 19e siècle, et si en fait la France telle qu'on la connaît aujourd'hui pas plutôt pas du 5e siècle, mais du 19e en fait, parce que la France qu'on connaît, où tout le monde parle français, où il y a le nationalisme, enfin souverainisme français, ça a vraiment été construit au 19e siècle, avec les hussards noirs de la République, avec l'écrasement des cultures régionales, avec le fait d'injecter de l'esprit de corps, en fait, qui était très présent à la Première Guerre mondiale, l'esprit de corps, alors que avant ça, en fait, le français, enfin la langue qu'on appelle le français, était parlé dans les cours européennes et chez les nobles avant d'être parlé par les Français eux-mêmes. Les gens parlaient beaucoup plus breton, patois, provençal, etc. dans la France actuelle qu'ils ne parlaient français. En fait, donc quelque part, c'est vrai qu'il y a une espèce de melting pot interne de la France qui a été construit par la force, au 19e siècle. Donc, quelque part, oui, c'est vrai que là, les Français d'aujourd'hui sont un petit peu les enfants de l'État qui les a francisés, mélangés, etc., avant même le grand remplacement. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu de ça qui subsiste dans l'idée que le peuple, c'est l'État, en fait. Oui, non, mais totalement. Alors, c'est un peu. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu questionnes en fait la narration de la formation de la France. Alors, traditionnellement, c'est des critiques déconstructivistes qui viennent en fait de l'extrême gauche et ou de certains historiens juifs. Donc, ce qui oui, est... c'est pour ça que c'est un peu polémique dans nos milieux. Mais oui, c'est un peu polémique dans nos milieux, mais je pense que simplement, il faut juste s'intéresser à l'histoire. Moi, quand on me dit... Parce que c'est... D'abord, quel milieu a dit ça? Quel milieu a dit c'est Clovis qui est à l'origine de la formation de la France? C'est les milieux catholiques. C'est la réaction oui. monarchiste catholique qui est pourquoi bah prêche pour sa paroisse. Mais moi, c'était dit au 19e siècle aussi. Non mais c'est pas par la République, par le livre d'histoire. Non mais elle en a fait sien. Oui mais ça a été c'est très intéressant cette période-là du 19e siècle parce que c'est un moment de basculement parce que la France au 19e siècle a soldé sa guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a une mutation en profondeur de la France parce qu'elle l'ancien régime s'est effondré. L'ancien régime reposait sur deux choses, la monarchie qui était d'extraction germanique, il faut quand même le rappeler, hein, et qui était sanctionnée par l'Église catholique. C'était une monarchie de droit divin. Comment dire ? Il y a eu la guerre civile induite par la Révolution française. Bon, je ne vais pas revenir sur la Révolution française, les origines, les acteurs étrangers, les subversions internes, la franc-maçonnerie, ce serait très compliqué, mais... Faut pas résumer la Révolution française à un simple complot, parce qu'on pourrait pas comprendre pourquoi autant de masses d'hommes se sont affrontés si c'était juste 2-3 personnes qui, sur le coin d'une table, ont décidé de se débarrasser de l'Ancien Régime. On pourrait pas comprendre ça comme ça. Donc, c'est pas juste un complot. Des gens ont comploté, des groupes d'intérêt se sont coalisés, mais il y avait une rupture profonde dans la population, pour une raison simple. Si vous mettez la population à lire... Il y a de fortes chances qu'elle se mette à faire de la politique. Si vous la laissez analphabète, c'est sûr que la circulation des idées va être plus difficile. Donc je pense que ça compte. Mais quand tu parles de Clovis, elle prêchait pour sa paroisse. Donc la formation des mythes nationaux français, bah, comme on dit, c'est un mythe. Mais toutes les nations font ça, hein, c'est pas spécifique à la France. Toutes les nations ont des mythes nationaux. Toutes, sans exception aucune. D'accord ? Donc, les catholiques ont mis ça en avant. Ils ont dit, la France est consubstantiellement catholique, et elle est consubstantiellement monarchiste. Donc, quand on fait remonter la naissance de la France au baptême de Clovis, c'est un point de vue politique. Et c'est pour dire, en fait, aux révolutionnaires... votre révolution, bon, c'est une chose, mais nous, on peut parler depuis 15 siècles. Voilà. Pour moi, c'est absurde. Pourquoi ? Parce que la France était chrétienne avant Clovis. Et c'est parce qu'elle était chrétienne que Clovis s'est converti. Sinon, il ne serait pas converti. Pour une raison simple, depuis Clovis donc, est converti aux alentours du 5e siècle, c'est bien gentil, mais ça fait plus de 5 siècles que la France est occupée par l'Empire romain. Et ça fait déjà plusieurs siècles que la seule religion tolérée dans les frontières de l'Empire romain, y compris de la Gaule, ou des Gaules, c'est le christianisme. Donc quand Clovis arrive en Gaule avec ses guerriers, il est dans un territoire chrétien, déjà. Donc on n'a pas besoin d'attendre Clovis pour que les autorités en Gaule soient catholiques, et répondent à Rome, d'accord ? Donc c'est stupide, c'est complètement stupide. Mais ça flatte le point de vue monarchiste. Et ça se comprend, je veux dire, politiquement, ça se comprend parfaitement, voilà. Alors, par contre, ce que je veux dire, et je te rejoins, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire le primat qui est donné aux politiques. Aux politiques qui va faire l'État, donc là, pour le coup, c'est des guerriers germaniques qui vont façonner la monarchie, française pour 15 siècles et qui vont faire la France. Et ce primat donné à l'État, parce que finalement la formation de l'État français moderne c'est débattu. Pour moi, les fondations commencent au 12e siècle à peu près. D'autres vont dire c'est plutôt le 15e siècle, donc vous voyez, c'est une discussion. Mais disons que ça commence avant d'autres États. L'Allemagne, par exemple, ça sera le 19e siècle. L'Italie, ça sera le 19e siècle. Mais c'est plus ancien. Donc, et puis le volontarisme politique en France, comme l'unification du territoire est plus précoce, bah, finalement, l'État aura beaucoup plus de coups des franges pour agir, notamment d'ailleurs au plan linguistique, ce qui fait que, bon, bah, par définition, il y aura une emphase plus importante sur l'État. Donc je pense que ça joue beaucoup. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, je pense, c'est que cette centralisation, ce nivellement pensé pour finalement former une masse uniforme en France, est en train de détruire les Français de souche, parce que l'État s'est découplé de la population autochtone, mais continue cette politique. Et c'est ce qui fait qu'ils importent des nègres et qu'ils disent aux Français de souche, ce sont des Français comme les autres. Et ça, pour moi, c'est extrêmement grave. Et c'est ce que je disais, maintenant, il y a une question nationale qui se pose, une question nationaliste, par définition, c'est-à-dire que les autochtones disent non, l'État doit être le nôtre, et pas l'État des autres. C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Mais le problème... Et c'est vrai en Belgique, hein, je veux dire, c'est vrai en Belgique, c'est vrai en Allemagne. L'État allemand n'est pas un État national, du tout. Il a perdu toutes ses caractéristiques nationales. Je veux dire, vous ne pouvez même pas parler de culture en Allemagne. Le mot culture en Allemagne est considéré comme suspect. Ça va beaucoup plus loin qu'en France. Pour moi, on est au cœur du problème, mais la grande différence, c'est que toutes les élites, donc celles qui administrent l'État, sont non pas dénationalisées, elles sont antinationales. Donc il n'y a rien de surprenant dans tout ce qu'on vit, c'est pourquoi la gauche a carte blanche pour foutre la merde dans les rues, pourquoi dès qu'il y a un petit groupe de droite nationaliste qui se forme, hop, il est interpellé. Bah oui, il appartient au camp national, donc il doit être détruit. C'est logique d'un point de vue d'un État antinational. D'accord ? Alors qu'à côté de ça, un cosmopolitisme d'extrême-gauche, fut-il violent, c'est une nuisance, mais c'est pas un problème existentiel. C'est ce que je veux dire. Et c'est ce qui explique l'attention avec laquelle l'État traite l'opposition nationaliste. Voilà. Je pense qu'on passe à la catégorie suivante, ou quelqu'un veut préciser quelque chose, ou me contredire sur un point, je sais pas. Non, juste, pas de contredire évidemment, hein, mais juste, non, permis, l'inconvénient, l'inconvénient du mythe comme ça de Clovis, le 5e siècle, etc., c'est que ça évacue complètement l'aspect racial en fait. Et après, le fait qu'il y ait eu l'écrasement des cultures régionales et puis le melting pot ensuite, le melting pot interne à la France, qui a été d'autant plus accéléré que même quand les hussards noirs étaient actifs, la France restait largement agricole, donc régionale, donc les gens étaient attachés à leurs terres par défaut. Mais ensuite, ce sont largement les technocrates qui ont fait industrialiser la France et qui ont détruit la paysannerie pour fournir les usines en ouvriers. Et ça, ils en parlaient eux-mêmes dans leurs journaux. Henri Coston en a parlé aussi. Du coup, c'était une politique d'État de déraciner les gens pour en faire une masse uniforme qui va à l'usine, ensuite au bureau, etc. Mais du coup, toute cette masse n'a plus d'identité, est complètement déracinée. Et ensuite, c'est juste élargir un petit peu le cercle d'inclure les colonies, puis d'inclure l'Afrique francophone, etc. Et évidemment, tout ça, ça n'est pas avec le mythe catholique de Clovis qu'on va pouvoir se battre contre ça, puisque ce mythe a déjà évacué l'aspect racial et l'aspect profondément identitaire, en fait. Donc c'est pour ça que ce mythe, finalement, fait un peu le jeu du cosmopolitisme dans ce sens-là. Écoute, là-dessus, moi, je pourrais dire, à mon sens, on peut avoir une lecture de la formation de la monarchie française, à ses débuts en tout cas, hein, lors des grandes invasions germaniques et dans la période qui nous intéresse avec Clovis, qui est une vision très raciste et très différente de ce qu'il racontait. Moi, ça me fascine assez d'entendre des gens qui ont un primat latiniste encenser une monarchie germanique. Et pour moi, je veux dire, Maurras de l'Action française qui tresse les louanges de la monarchie française, ça me fait rire, personnellement. Parce qu'il tresse les louanges d'une œuvre qui est une œuvre profondément germanique. Alors, évidemment, il y a toujours... Je connais les arguments au contraire. Ils disent, oui, mais attention, ça faisait très longtemps que la monarchie française avait tiré au sein de la population gauloise, si on veut, quelques guerriers qui ont ensuite été anoblis, etc. Et finalement, tout ça avait un caractère très français. Bon, pour moi, ça, c'est des arguties. Fondamentalement, la monarchie française, dont ils font remonter l'origine à Clovis, hein, c'est pas moi, hein, est germanique. Et pour moi, c'était une occupation germanique et profondément colonisatrice. Hein, c'était une colonisation germanique. Et c'est pour ça que le féodalisme avait pour vocation de préserver le sang germanique. C'est pour ça que Clovis s'est pas fait baptiser tout seul, il s'est fait baptiser avec tous ses guerriers, et ensuite les guerriers reçoivent des terres, etc., sur lesquelles ils exercent en tant que seigneurs de guerre tout pouvoir, c'est-à-dire la souveraineté. Pour moi, il y a une lecture profondément raciale dans tout ça. Alors, c'est très polémique, je ne vais pas entrer là-dessus, je suis pas historien en plus. Mais on pourrait avoir une lecture qui serait une lecture raciale, mais je suis pas sûr qu'elle aurait toutes les faveurs des Français de souche gauloise, voilà, qui se trouveraient peut-être à redire sur finalement ces barbares germains qui imposent leur présence en France. En tout cas, ce que je sais, parce que c'est indubitable, c'est que les populations gauloises latinisées qui ont vu les grandes invasions germaniques n'ont pas dû apprécier tellement dans les premiers temps la présence germanique. Je suis pas convaincu. Donc, je trouve ça un peu étonnant, si vous voulez, d'un point de vue monarchiste, si vous voulez, maurassien et national, cet encensement. Mais bon, là, je suis un peu taquin, si on veut. Bon. Mais je retiens ton argument, quand même. Alors, finalement, ça me permet d'embrayer sur la rubrique suivante, qui est la rubrique autisme radical. Je vous livre ce truc, c'est ça. Je trouve que ça donne corps à ce qu'on vient de dire. Donc c'est Le Parisien et c'est une qui évoque une crise diplomatique qui vient d'émerger entre Macron et l'Ukraine et la Bulgarie. Décidément, l'entretien accordé par Emmanuel Macron à Valeurs Actuelles n'est pas du goût de tous. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a rapporté vendredi soir avoir invité l'ambassadeur de France à Kiev, Étienne de Montaigne de Poncin, pour lui demander des explications sur des propos attribués au président français dans les médias. Si aucun titre de presse n'est précisé dans le communiqué paru sur le site internet du ministère, cette sollicitation intervient après la publication dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles de propos d'Emmanuel Macron susceptibles de fâcher le pouvoir ukrainien. Dans cet échange publié le 30 octobre et par ailleurs très commenté en France, le chef de l'État évoquant l'immigration sous quota et un métier de plongeur... Alors là, il cite, hein. Donc, et un métier de plongeur boudé par les Français a dit... Donc Macron a dit préférer avoir des gens qui viennent de Guinée et de Côte d'Ivoire légaux qui sont là et qui font ce travail, que des filières bulgares ou ukrainiennes clandestines. Donc sous-entendu, des Ukrainiens et des Bulgares qui viennent clandestinement en France. Une sortie qui a aussi fait grincer des dents en Bulgarie, puisque le Sofia Globe explique ce samedi que l'ambassadrice française en Bulgarie, Florence Robin, est aussi convoquée au ministère des Affaires étrangères local ce lundi pour s'expliquer sur cette interview présidentielle. À en croire son communiqué, la diplomatie ukrainienne a semblé convaincue par les éclaircissements d'Étienne de Montaigne de Poncin. Je cite « L'ambassadeur de France a noté qu'il n'y avait aucune plainte côté français à l'encontre des citoyens ukrainiens voyageant en France. Ainsi, les propos d'Emmanuel Macron concernant la migration et l'emploi légal ont été sortis de leur contexte. » Bon, là, ils sont gentils, hein. Les parties ont confirmé qu'il existait une compréhension et une coopération complète entre Kiev et Paris pour la mise en œuvre des accords sur la circulation des citoyens des deux pays. Blablabla. Alors, messieurs, Emmanuel Macron préfère des Guinéens et des Ivoiriens légaux que des Ukrainiens qui auraient pu arriver sur le territoire français de manière clandestine, en sachant que, comme vous le savez, nous sommes submergés par cette terrible immigration ukrainienne. Qui veut réagir là-dessus ? Je pense que nous n'avons pas assez parlé du péril qui menace la République et donc la France, hein. Oui. Le péril blanc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le péril blanc, effectivement. Effectivement. Et puis la France le dit. Non mais là c'est parlant, c'est-à-dire qu'il y a une équation. D'un côté vous avez des Guinéens et des Ivoiriens, de l'autre vous avez des Ukrainiens. Dans un pays comme la France où il y a une submersion, je veux dire. Ça vient du Pakistan, bien sûr, de l'Afghanistan, ça vient d'Irak, ça vient d'Égypte, du Soudan, de Somalie, ça vient de partout, bon. Et clandestinement, en plus, hein. Et la seule filière clandestine qui va attirer l'attention de Macron dans son interview sur le sujet, c'est celle qui vient d'Ukraine. Et là, il met l'emphase sur cette formidable immigration légale qui vient de Guinée, parce que quand même, hein, les plongeurs de Guinée, où serait la France sans ces plongeurs guinéens? Je vous pose la question. Et finalement, ça traduit tout de ce que je disais, où l'État, en France, où l'État est complètement découplé, évidemment, de sa base raciale originelle et historique qu'est la population française autochtone, mais par extension, de ce qui peut lui être semblable, c'est-à-dire la race blanche d'Europe. Et ce qui importe, c'est les lois de l'Hexagone. Entre guillemets, parce qu'en fait, c'est de l'hypocrisie. On sait très bien qu'en fait, Macron sait fermer les yeux aussi sur toute une série d'abus en termes d'immigration illégale de la part de toute une série de populations. Pourquoi ? Eh bien oui, négrophilie oblige, métécophilie oblige, les nègres d'abord. Les nègres d'abord, hein, c'est très clair. Titus, ou Fulbert, qu'est-ce que vous pensez de cette préférence nègre pour laquelle Emmanuel Macron bah fait savoir hein, ce qu'il en pense? Ah bah Macron prend soin de ses administrés. D'ailleurs, il lui manque plus qu'à reconnaître que nous avons des centaines de millions de concitoyens en Afrique francophone et que ce sont évidemment eux, la francophonie, hein, comme dirait même Asselineau ou d'autres, c'est la francophonie qui est avec nous. Après tout, l'Union européenne est quand même surcotée. On sait que l'Allemagne complote pour essayer de voler le contrôle de l'Union européenne à la France, pour racketter les malheureux Grecs, et puis bon, tous ces pays balkaniques... Non, mais racketter les Grecs. Genre, l'Allemagne va chercher à s'enrichir avec un pays qui pèse 2% du PIB. Il y a vraiment des gens qui disent ça, en tout cas. Mais c'est ridicule. Non, mais je veux dire, bon... Ah oui, c'est ridicule, mais il y a vraiment des gens qui disent dans les médias. J'ai rien contre la Grèce en tant que telle, mais je veux dire, c'est quand j'entends ça, ça me... L'avenir de la France, même l'avenir de l'humanité, parce que la France est elle-même un phare qui éclaire l'humanité depuis 1789. Autant, c'est vrai que les Balkans, y a quand même un péril balkanique. Imaginez si nos nègres ne se sentent plus chez eux à cause des Ukrainiens et des Bulgares qui viennent leur piquer leurs emplois clandestins. Où irions-nous? Non, bah, on parlait là du plan de rénovation urbaine, hein, de Borloo et de tous ces milliards... qui vont prioritairement dans ces quartiers-là. Bah, je crois qu'ils sont fondés à dire les Ukrainiens viennent nous piquer nos aides sociales. Ils viennent voler le pain des Français, là. Ils viennent voler le pain des Français, là. Non. On en rigole, mais c'est ça. Mais c'est ça, en plus. C'est exactement ce qui se passe. Alors, du coup... on en revient, parce que notre ami suédois, notre camarade suédois, parlait justement de cette négrophilie pathologique qu'on retrouvait en France, et qui n'existait pas du tout en Suède. D'accord ? Donc, avec tous les problèmes qui existent en Suède, on ne retrouve pas ça dans la société. Cet amour, j'ai bien aimé ce que disait Derek, il disait que ça relevait du divin. Hein, c'était du divin. On ne retrouve pas ça, et là, on a vraiment une démonstration de ça, c'est-à-dire que Macron a eu l'honnêteté de s'exprimer sans tabou et sans phare, et de livrer le fond de sa pensée, mais qui est le fond de la pensée des dirigeants français, mais pas uniquement des dirigeants français. C'est le fond de la pensée, en réalité, de tous les partis constitués en France. Sans exception, pratiquement sans exception aucune. Tu parlais d'Asselineau et de l'UPR, bah oui, on pourrait citer Florian Philippot et son micro-parti, c'est vrai aussi, mais... J'ai pas été voir du côté de Marine Le Pen, par honnêteté intellectuelle, je vais pas lui faire un faux procès là-dessus, je ne connais pas sa position, mais je ne serais... En tout cas, sur les Dom-Tom, c'est sûr, ça, elle nous dirait sans broncher, les Mahorais sont des Français, ils doivent passer avant les Ukrainiens. Ça c'est absolument certain. Bon, moi, j'ai une lecture raciste, donc, si vous voulez, comment dirais-je, moi, les petites blondes d'Ukraine, si vous voulez, me paraissent quand même plus proches, si vous voulez, de mes cousines germaines, que d'ignobles nègres mahorais, peu importe la façon dont Marine Le Pen chercherait à me les vendre, quoi. Et je parle pas de la gauche, bien sûr. Donc, voilà. Donc, la question, c'est ça. Si vous êtes dans une logique d'instance purement étatique, administrative, et nostalgique de l'Empire colonial, c'est-à-dire à une époque où l'administration française s'occupait de torcher tout le cul des nègres de l'Afrique de l'Ouest, bon, bah oui, à ce moment-là, oui, vous, votre truc, c'est les Guinéens analphabètes, sidaïques, qui font du viol collectif ou du deal. Bon, la francophonie. La francophonie, effectivement. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui vous projetait dans l'avenir, génétiquement parlant, Et même si vous aimez simplement les gens qui sont de votre sang, je pense que vous pencherez plus naturellement vers des Ukrainiens, même s'ils ont passé la frontière de manière illicite. Bon, je pense que si l'équation se pose comme ça, voilà. Mais j'ai aussi très conscience que ce que je dis ici n'est pas partagé par la majorité des Français, parce que, bon, il y a un passif. Et avant de redonner la parole aux participants, parce qu'il faudrait dater cette négrophilie, d'où ça vient ? Ce truc qui relève du divin en France. Pour moi, ça date très exactement de la Première Guerre mondiale. Avant même, en fait, dès la guerre de 1870, mais vraiment phénomène de masse, 1914. C'est là que vous trouvez, pour la première fois, le terrain avait été préparé par la propagande coloniale française, c'est-à-dire vendre l'Empire aux Français, et la grandeur de la France coloniale aux Français, ça supposait de faire des affiches, des expositions universelles, des expositions coloniales, etc. Bon. Donc ça avait préparé, si vous voulez, une espèce de goût de l'exotique, etc., une espèce de romantisme sur le monde oriental, le monde africain, etc. Mais en 1914, la grande différence, les troupes coloniales arrivent en France. Bon. Dans les troupes coloniales, d'ailleurs, il y avait des blancs, hein, faut pas oublier ça, hein, il y avait beaucoup de blancs dans les troupes coloniales. Il n'y avait pas que des métèques. Hein. Mais dans les troupes coloniales qui arrivent en France et qui étaient censées garder l'Empire, vous avez des gens de couleur, notamment des Nord-Africains, des tirailleurs marocains, des tirailleurs algériens, etc., ou des tirailleurs sénégalais. Et la presse française va présenter cette arrivée comme l'effort de l'Empire contre l'Allemagne, contre le barbare germanique. Et pour moi, c'est là que la rupture a lieu. Parce que, à ce moment-là, non seulement l'État français, mais toute la population française adhère à ce truc, c'est-à-dire, je préfère avoir un nègre avec moi pour étriper un blond, si ce blond a franchi ma frontière d'un kilomètre de trop. Voilà. Psychologiquement, dans la tête des gens, c'est ça. Et on n'en est plus jamais sorti. Vous regardez l'équipe de France, c'est qu'en gros, les Français veulent que l'équipe de France gagne dans une compétition internationale contre l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'administrativement, l'équipe d'Allemagne n'est pas l'équipe d'une administration allemande exerçant sa souveraineté sur le territoire français. C'est ni plus ni moins que ça. C'est une compétition d'administration. Et on s'en est jamais défait de ce truc-là. Et finalement, l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne, elle a pas eu ce problème-là ? Finalement, elle a été privée très tôt de ses colonies. Et elle était au centre de l'Europe, donc sa politique était beaucoup plus continentale. Donc finalement, la question coloniale là, ne s'est pas du tout posée dans les mêmes termes. Et en plus, le nationalisme allemand était très différent. C'est un nationalisme ethnique. Il y a eu un peuple avant d'avoir eu un État. Donc pour moi, c'est très ancré en France. Et c'est de là que remonte la négrophilie. Et quand Macron parle comme ça, je suis au regret de dire qu'il parle comme une majorité de Français. Il y a beaucoup plus... On peut le regretter, mais il y a beaucoup plus de Français qu'on ne croit qui disent, à commencer par nos compatriotes originaires d'Afrique d'ailleurs, qui disent « Oui, je préfère un Guinéen qu'un Ukrainien. » à venir en France. Les Français considèrent les Français comme ça, hein. c'est normal. Hein. Oui, c'est ça. Ce qui est assez comique, je trouve, c'est que, enfin, comique façon de parler, c'est que le premier conflit mondial a eu lieu pour une raison grossière mais précise quand même. C'était la volonté de l'Allemagne de monter en puissance, de s'assurer des colonies et de protéger ses lignes commerciales. C'est ça qui a amené la Première Guerre mondiale. Pour la domination sur les mers par l'Angleterre d'une marine allemande qui allait croître, qui commençait à croître, et en même temps conserver la domination française sur le militaire et politique sur le continent. Première Guerre mondiale, c'est rien d'autre que ça. Les Allemands n'ont pas eu de colonies, ou très peu, on les leur a prises, Hein, j'en sais quelque chose, puisque les Belges, enfin, ont raflé le Burundi et le Rwanda-Urundi, enfin, le Rwanda, comme on dit maintenant, aux Allemands. Hein. C'était d'anciennes colonies allemandes qui ont été attribuées à la Belgique après 1918. Oui, la France a une grande histoire de colonies, mais l'Angleterre en a une aussi. Et l'Angleterre a beaucoup moins ce côté amour absolu du nègre, etc., que la France. Mais justement, je pensais à un cas spécifique dans la colonisation anglaise, qui est peu connu en France, parce qu'on étudie quasiment que la colonisation francophone, et assez peu le reste, à part pour dire que les autres ont tous génocidé les Noirs et que les Blancs sont vilains. Mais je me souviens d'un cas qui est très peu connu en France, c'est celui de la Rhodésie, petit État qui avait déclaré son indépendance et qui ne voulait pas être décolonisé. Parce que alors, la Rhodésie qui avait été abandonnée par l'Angleterre, qui avait été lâchée complètement par l'Occident, c'était une poignée de blancs qui étaient juste au nord de l'Afrique du Sud et qui se défendaient contre les communistes de Nelson Mandela, enfin contre des nègres qui étaient beaucoup plus nombreux. En fait, quand on regarde un peu l'histoire de la Rhodésie, on voit que la majorité des troupes rhodésiennes, c'était des nègres, et que les blancs là-bas étaient des instructeurs militaires, mais ils n'avaient pas le choix, ils étaient très peu nombreux, ils avaient besoin de nègres pour être le fer de lance des troupes. Sauf que c'était pas le même contexte que la France, c'était l'Afrique, et en l'occurrence c'était des nègres qui étaient une valeur ajoutée entre guillemets parce qu'ils étaient loyaux, parce qu'ils s'entraînaient pour être de vrais soldats, enfin pas juste des récipiendaires d'aide sociale, et qu'ils allaient se battre contre d'autres nègres en face, parce qu'ils préféraient un pays civilisé, disons, que de retomber dans l'Afrique. Et c'est plutôt ça déjà la colonisation anglo-saxonne, enfin pragmatisme, et que les nègres qui se battent ça va, mais en Afrique. Les anglo-saxons n'ont pas mis les nègres en Europe, et même eux qui étaient alliés de la France en ont voulu dans les années 20 à Mangin et aux Français d'avoir ramené du nègre sur le continent européen. Enfin, eux savaient que ça ne se faisait pas, quoi, alors que les Français avaient déjà perdu ça de vue. Intéressant. Oui, bah, on parlait de 14-18, moi je fais remonter à ça, mais effectivement, t'as le crime de Mangin, hein, qui est sa force noire. Et ça aura des conséquences dramatiques, puisque à partir de ce moment-là, on va avoir les premières... je pense que ça... En tout cas, j'ai vu, parmi en tout cas les tout premières décisions de naturalisation de nègres intervenir au moment de la Première Guerre mondiale ou dans l'immédiate après Première Guerre mondiale. Voilà. Alors je dis pas que c'est une frontière absolue, mais c'est là qu'on va voir... des nègres auxquels on a appris le français, qu'on a fait monter dans l'appareil. C'est là qu'on va dire « Ah ouais, mais ce nègre-là, il répète bien ce qu'on lui a appris, là, on va en faire un citoyen français. » C'est à peu près à ce moment-là, et c'est un phénomène colonial. Donc, cette ambition, j'allais dire, entre guillemets, parce que ça ne veut rien dire, mais cette ambition de franciser, au moins en théorie, les nègres, c'est vraiment ça remonte à peu près à la Première Guerre mondiale. Voilà. Et à partir du moment où c'est fait une fois, le principe est acquis. Si vous voulez, après c'est plus qu'une question. Je veux dire, enfin c'est une question de quantité après. Je veux dire, si le principe est validé pour un, il est validé pour un million. D'accord. La naturalisation des nègres à grande échelle remonte à cette période de la Première Guerre mondiale. Et à cette folie complète qu'est d'avoir importé des nègres, qui n'ont joué un rôle que marginal en plus dans le conflit, parce que la totalité des troupes coloniales, parce qu'aujourd'hui c'est démesurément grandi par la propagande communiste, la propagande juive, et à plus forte raison par tous ces excités là des indigènes de la République, mais en termes de masse, je crois que c'est environ 5% de la totalité des troupes françaises, enfin c'est dérisoire, on a peut-être dû s'en servir pour colmater une brèche ou deux, enfin c'est tout, mais ça ne, à aucun moment, les troupes coloniales n'ont changé la donne sur le théâtre des opérations pendant la Première Guerre mondiale. Absolument pas. Absolument pas. Ça n'explique pas du tout le résultat des combats, quoi. Mais c'est vendu comme ça. Et surtout, la propagande l'a vendu comme ça. Même durant le conflit, quoi. Donc quand on vous fait des affiches sur les tirailleurs, les braves tirailleurs, etc. Bon, après, individuellement, les pauvres nègres qu'on avait été récupérés en Afrique pour les faire venir en Europe, bon, bah, les pauvres nègres, ils avaient rien demandé, je suis bien d'accord. Mais la propagande qui en a été faite, bon... Et ensuite, on les a implantés sur le Rhin. En garnison, tous ces nègres. Donc, quand les Allemands, ils étaient vaincus, écrasés par une révolution judéo-communiste en Bavière, à Berlin, etc., avec des Français qui plantent des nègres au milieu du Rhin, pour aller, comment dirais-je, violer de l'allemande. On peut comprendre que certaines personnes qui, par ailleurs, auraient fait des carrières dans l'architecture ou dans la peinture, se soient piquées de politique, si vous voulez, en 1919. On peut comprendre que des choses se soient passées. Ce n'est pas totalement inattendu. Bon, d'ailleurs, ils ne se sont pas contentés de les mettre en garnison que sur le Rhin. Hein. Maintenant, ils les mettent en garnison dans les villages français. En Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis. Notamment, mais hein. Pas seulement. Hein. Pas seulement. Ouais, je rappelle, hein, n'oubliez pas, pensez très fort à moi, au premier né de l'année 2020, n'est-ce pas? Ah, on peut prendre les paris. Là. TF1 ne devrait pas vous décevoir. Je ne pense pas que TF1 vous déçoive, ni que la presse régionale vous déçoive. Vous penserez très fort à moi, chers auditeurs. Attends, ce sera peut-être un maghrébin. Peut-être. Bah, ça en fait, échappera à l'éternègre. Non, cher ami, ça sera... Bon, c'est la fricophilie, mais ça échappe à l'éternègre. Ou alors Macron, écoute l'émission et décide de donner des consignes pour trouver absolument un blanc à minuit 01 en France. C'est possible. Oui, alors non, c'est oui, bon, ça, c'est... Très peu probable. L'éternègre est un dieu qui, comme Jéhovah, est colérique, jaloux. Colérique et jaloux. Ouais, jaloux. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.